Houston. The main event. Die Meister. Die Besten. Les meilleures équipes. The champions. Die Meister. Die Besten. Les meilleures équipes. The champions. Et bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Débattons d'Anguirou sur les ondes de Radio Grenouille. Une émission exceptionnelle puisqu'en public au salon de coiffure L'Autoportrait rue des Trois Frères Barthélémy. Pourquoi nous sommes ici? Eh bien, c'est à l'occasion du festival Badam, deux journées de bande dessinée autour de la librairie La Réserve à Bulles et de toute l'association qui navigue joyeusement autour de tous ces gens-là. Aujourd'hui, une émission donc spéciale Foot BD, bien évidemment, avec des invités exceptionnels, mais aussi avec vous, chers amis du dispositif. Bonjour, cher docteur Lehmann, bonjour, coach Luc. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi d'être là pour parler de bande dessinée. Je suis très très content d'avoir été invité à cette émission, c'était pas gagné au départ. Bonjour à tous, merci aux gens qui sont venus ici. Alors, deux albums seront présentés aujourd'hui et bien représentés. Premièrement, Un maillot pour l'Algérie, album publié récemment au printemps chez Air Libre, je crois. Et on a aujourd'hui avec nous la chance de recevoir les deux scénaristes, Bertrand Gallic, ici présent, bonjour, Chris, bonjour, de l'autre côté, et le dessinateur Javi Ray, je ne sais pas si je prononce bien. Puisque c'est oui, c'est bien. C'est pas mal. C'est bio Javi, mais c'est bon. Javi Ray. Bonjour tout le monde. Et puis le deuxième album, c'est Hors Jeu, publié à l'Agrume, avec notre ami Mathieu Chiara, qui interviendra. Qui interviendra plutôt dans la deuxième partie de l'émission et qui, pour cette première mi-temps, puisque nous avons une émission exceptionnelle, dispositif exceptionnel, qui pour cette première mi-temps présentera et commentera le match de foot qui se déroule derrière nous, c'est-à-dire Belgique-Irlande ou Irlande-Belgique, avec vous, Magic, qui est au stade. Vous nous entendez? Est-ce que vous m'entendez? On vous entend bien, Magic, oui. Oui, bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs. Je suis en direct du stade de la capitale de la Gironde pour ce match entre la Belgique et l'Irlande, où l'enjeu pour ce deuxième match de la phase de poule est déjà très très important, puisque la Belgique, qui était annoncée comme l'une des favorites de cet Euro, a déjà perdu son premier match et déjà face au mur dans ce match face à l'Irlande. À l'Irlande qui, elle, avait fait match nul face à la Suède, est obligée aussi de gagner. Donc déjà un match couperé ici dans la Gironde. Vous êtes accompagné, Magic, je crois, dans votre cabine de commentaires par Mathieu Chiara, qui dessine, lui, ce match. Oui, Mathieu Chiara. Chiara, si. Comment ça se passe, cette collaboration? C'est un peu nouveau pour vous? Oui, alors nous avons tous les deux les yeux rivés sur quelque chose, mais quelque chose de très différent. Et en même temps, on communique par télépathie, naturellement, comme ça devrait tout le temps se passer. Merci Magic, on vous retrouve un peu plus tard. Bien sûr, vous intervenez quand on vous semble, quand il se passe quelque chose sur le terrain. À tout à l'heure. Alors messieurs, on va tout de suite commencer par parler de votre album Un maillot pour l'Algérie. On a prévu quelques petites questions, vous y répondez si vous voulez, on aimerait bien sûr, hein, ce serait mieux pour tout le monde. Et avec le doc, on avait prévu de commencer par vous interroger sur la méthode, sur le pourquoi et le comment de cet album. Comment vous est venu, Chris, Ravi et Bertrand, l'idée de l'écriture de cet album? Tout part d'une discussion avec Chris au festival de Saint-Malo à Quai des Bulles, où il me fait part de son envie de conter des histoires où se mêleraient justement la grande histoire et le sport, qui sont des domaines qui m'intéressent aussi beaucoup. Voilà, il avait commencé à démarcher des éditeurs pour tâter le terrain, voir le terrain sportif, pour voir si ça pouvait plaire ou non. Et visiblement, l'accueil n'était pas super enthousiaste dans un premier temps. Par contre, moi, l'idée m'a énormément plu, puisque on était en fac d'histoire avec Chris ensemble, et puis on a pratiqué le football ensemble aussi. Et donc, on est parti sur des recherches sur le net, voilà. Et puis, on est tombé un peu par hasard sur la destinée, cette aventure incroyable des footballeurs algériens. Docteur, une question peut-être ? Moi, ce serait plutôt une question vis-à-vis des rapports qu'il y a avec les dessinateurs. Donc, c'est pas forcément maintenant que je vais la poser. Peut-être que Manuel, vous continuez un petit peu Oui, c'est vrai. Je continue. vous avez dû effectuer, j'imagine, un travail de recherche documentaire assez précis, assez foisonnant. Et comment ça s'est passé ? Où est-ce que vous êtes allé chercher un peu toutes ces informations dont vous aviez besoin ? Et j'imagine rencontrer des gens aussi. Ça ne s'est pas exactement passé comme ça. On n'est pas tout de suite parti sur l'aspect documentaire. C'est vrai que l'idée était vraiment de se dire comment on peut trouver un sujet qui dit plein de choses sur notre société et qui en même temps est une histoire un peu géniale à raconter, tout simplement un récit un peu super. C'est vrai que dès qu'on résume un peu l'histoire de cette équipe d'Algérie, en quelques lignes, on voit tout de suite qu'on a une histoire, une aventure assez incroyable. Mais si elle était uniquement restée dans l'histoire et c'était quelque chose qui s'est passé il y a 60 ans qui n'a plus de valeur aujourd'hui, ça ne nous aurait pas intéressé à ce point-là. Ce fait que quand on s'y est intéressé, on était en plein débat sur l'identité nationale, la fameuse identité nationale, et qu'évidemment, cette histoire, l'équipe d'Algérie, on peut peut-être la résumer quand même. On va y venir un peu plus tard. Peu après. Ouais. Mais bon, pose justement la question de qu'est-ce qu'un pays ? Enfin, est-ce que c'est un territoire, ce sont des frontières bien délimitées, est-ce que ce sont des gens qui sont nés ici et pas ailleurs, ou est-ce que c'est une bande de types qui ont décidé, pour le pire et pour le meilleur, de s'accompagner et d'être ensemble collectivement une équipe avant même, un pays, pardon, avant même que ce pays existe, ce qui est le cas de l'équipe d'Algérie. Donc tout ça, ça faisait écho à plein de problématiques aujourd'hui, et on a un peu orienté d'abord les recherches là-dessus, en se disant qu'est-ce qui, dans cette histoire, continue de nous parler aujourd'hui en réalité, en France, en Algérie et plus largement ailleurs. Donc c'est un peu comme ça, on a d'abord, avant même de, bon, une fois qu'on avait les grandes lignes, c'est de se dire qu'est-ce qu'on avait envie de raconter à travers cette histoire-là. Et à ce moment-là, ça oriente les recherches effectivement sur qu'est-ce qu'on met en avant, parce qu'ils étaient 11 au départ, ils ont même une trentaine à l'arrivée. Donc quel joueur on met en avant ? On ne va pas raconter l'histoire des 30 au quotidien pendant 4 ans, parce que leur aventure a duré 4 ans. Et à ce moment-là, petit à petit, on cherche, à travers un peu 3 façons de faire. La première, c'est la recherche purement des archives journalistiques, notamment. La deuxième, c'est la rencontre des témoins, concrètement. Et ensuite, on a une recherche documentaire encore plus précise, page par page, où là, le net va beaucoup nous aider, c'est-à-dire les lieux, les matchs, comment ça s'était passé, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Internet nous permet des choses que jamais on aurait pu faire il y a encore 15 ans. C'est vraiment impressionnant tout ce qu'on a pu trouver sur cette masse documentaire que présente aujourd'hui Internet. Docteur, sur le dessin. Ouais, non, sur le dessin, j'avais envie de vous poser une question. Premièrement, c'est est-ce que quand on est scénariste de BD, est-ce qu'on sait dessiner ? Est-ce que vous avez déjà fait des BD où vous avez dessiné ? Première question. Alors moi, non, clairement. Et c'est mon deuxième album seulement. Et je dessine aussi bien que je danse pour donner une idée. Enfin, je ferai une démonstration peut-être alors pour... Bien sûr. Et Chris ? Non, absolument pas. C'est vrai que certains scénaristes sont des dessinateurs également, voire des dessinateurs reconvertis pour diverses raisons totalement dans le scénario. C'est le cas de Franck Giroud ou de Fabien Vellman, par exemple. Nous, absolument pas, comme le dit Bertrand. Et donc, on dessine pas des storyboards ou des Monsieur Patate en termes de scénario. C'est vraiment uniquement de l'écrit. Par contre, on a toujours... Moi, j'ai appris à lire avec de la bande dessinée. J'ai toujours imaginé mes histoires en une suite d'images fixes. Donc, c'est vrai que nos scénarios sont déjà très mis en scène à l'arrivée, après un certain nombre d'étapes, case par case, avec les angles de vue, etc. et tout ça. Mais c'est une question qu'on peut retourner complètement au dessinateur de bande dessinée autant qu'au scénariste. Est-ce qu'un dessinateur de bande dessinée scénarise lui aussi ? Pour moi, pour le coup, dès qu'on a affaire à un grand auteur de bande dessinée, c'est avant tout un raconteur d'histoire hors pair lui aussi. Et pour un maillot pour l'Algérie, pour le coup, ça a vraiment été le cas avec Ravi. D'accord. Et comment est-ce que vous choisissez un dessinateur ? C'est-à-dire que ça doit être complexe. Est-ce que vous établissez d'abord finalement tout le projet de votre BD, de votre ouvrage ? Et puis à la fin, vous trouvez quelqu'un avec qui vous dessinez ? Ou en fait, est-ce que la collaboration, elle se fait quand même au fur et à mesure pour viser juste au final ? Parce que je suppose que donner tout son travail entre les mains d'un dessinateur, ça peut parfois être risqué. Oui, alors, il y a autant de façons de travailler que de scénariste. Nous, c'est certain qu'on n'a pas du tout la méthode de tout écrire et ensuite, on cherche le type qui pourrait venir se plaquer là-dessus. C'est un peu comme au cinéma, quelque part, ou au théâtre. On écrit aussi pour des acteurs, pour leur capacité à jouer tel ou tel personnage. On l'a déjà en tête. Parfois, si on n'a pas encore le dessinateur, quand même, on a une idée vraiment du style. On se donne quelques dessinateurs connus en disant, tiens, on écrirait bien, on chercherait dans ce style-là. Pour le coup, on a à peine eu le temps de se poser la question pour un maillot pour l'Algérie. On savait qu'il y aurait deux écueils très importants. Le premier, qui est le côté historique. Tous les dessinateurs n'aiment pas se fader vraiment du récit historique avec de la précision dans les costumes, dans les voitures, dans les décors, etc. Et ensuite, c'était surtout le football. De la même façon qu'au cinéma, on n'a pas beaucoup d'exemples de films qui auraient très bien rendu des scènes de football mis en scène. Alors, on peut penser à des super films comme Coup de tête, mais si on pense uniquement aux scènes de match, c'est pas des grandioses scènes de match, hein. Au contraire, ça va avec le récit, c'est des coups de chaussons en permanence. Voilà, c'est filmé un peu. Ça donne pas l'impression de voir un grand match, d'une finale de championnat d'Europe ou de Coupe du Monde. Donc, en bande dessinée, c'est la même chose. La seule référence qu'on avait, c'était Eric Castel, qui était grande bande dessinée de football des années 80, mais bon, qui quand même a maintenant une quarantaine d'années. Et on savait qu'on n'avait pas envie d'aller vers un style réaliste comme ça. Et comment on arrive à retranscrire par le dessin, l'énergie d'un mouvement sportif. Il n'y a rien de plus difficile. Le vélo, c'est très difficile, mais il y avait quand même un certain nombre de bandes dessinées sur le vélo. La boxe aussi, beaucoup. Mais le football, il y a tout un ensemble de gestes techniques. On est dans le mouvement en permanence et on est, nous, sur un dessin arrêté. Donc comment on peut rendre ça? Et en réalité, très vite, on s'est dit qu'il fallait qu'on rende quelque chose de très mental. C'est-à-dire que quand vous frappez votre ballon, vous avez l'impression de mettre une formidable patate en pleine lucarne. Si on vous filmait, quand vous montrait le dessin, la vidéo, en réalité, vous avez mis une patate à moitié toute molle qui est vaguement atterrie dans la lucarne. Mais mentalement, vous avez l'impression d'avoir fait un tir à la Zlatan Ibrahimovic. Donc on voulait graphiquement rendre ça, cette énergie vraiment du foot. Et à peine une semaine après qu'on a décidé d'attaquer cette histoire, Ravi nous a contactés pour travailler avec nous, en nous disant, complètement par hasard, encore une fois, qu'il aimerait bien faire un récit documentaire et sportif. Et ça, il n'y a jamais un dessinateur qui vous dira « j'ai envie de faire un récit sur le sport ». Enfin déjà, il n'y en a pas un qui est sportif. Je m'excuse pour les dessinateurs, mais ce n'est pas un grand métier de sportif, souvent. Et qui, en plus, ont envie de raconter une histoire sur le sport, il n'y en avait pas des wagons. Donc, on est allé voir ce qu'il faisait, et il avait cette alliance-là. Il avait un dessin qui pouvait à la fois lorgner du côté du manga, sans faire Olive et Tom, et un côté très ligne claire qui faisait beaucoup penser aux années 50-60, notamment dans les décors et dans les voitures. Donc, c'était l'alliance un peu parfaite, et c'était un hasard assez heureux. Et au niveau du tempo, ça se déroule comment? C'est-à-dire que vous lui confiez finalement ce scénario ultra détaillé, comme vous le disiez, et puis il travaille pendant 2-3 mois tout seul, où il y a des allers-retours qui sont quand même importants. Comment vous procédez exactement? Ravi, peut-être, tu peux répondre, je ne sais pas. Si. On a commencé pour Chris Bertin, il m'a donné des scénarios très précis, et des découpages et de la planche. Mais à partir de ça, j'ai fait des storyboards et on a partagé des storyboards pour arriver à des découpages finaux. Et ça a été la première moitié de l'album, mais à partir de cette moitié, j'ai gagné un peu de confiance et j'ai vu qu'avec eux, j'ai eu des bonnes connexions pour travailler. Et j'ai commencé à proposer un peu le découpage, mais toujours partageant avec lui le découpage final. Donc c'est un travail un peu en trio et très productif. Oui. D'accord. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait c'est un ping-pong permanent entre nous trois. Et la BD pour le coup devient un sport d'équipe un petit peu aussi, quoi. Il y a toutes les étapes, il y a des allers-retours, d'abord entre Chris et moi au niveau du scénario, et puis avec notre dessinateur, avec Ravi. Au storyboard, à l'ancrage, à la couleur, c'est vraiment un échange permanent. D'accord, et c'est vrai que pour reprendre ce que disait tout à l'heure Chris, Internet vous aide beaucoup, par exemple, au niveau, pour quand on fait une recomposition historique, au niveau des lieux, parce que c'est vrai qu'il y a des lieux qui sont, on pense au stade de Nice ou à la baie de Sétif, par exemple, quand il y a le bateau qui part. Est-ce que là, vous utilisez vraiment des vieilles photos, en fait, pour recomposer ces paysages? Comment vous faites? Par exemple, pour les stades de Saint-Étienne, de Geoffrey Richard. Geoffroy Richard. Merci. Guichard, comme Daniel. Daniel Guichard. On a eu une bonne relation avec le musée de Berthe. Oui. Alors, on a reçu beaucoup de documentation de l'époque. En fait, j'ai dû changer deux fois les cases où on voit les stats parce que j'ai trompé les dessins. Et par exemple, c'est un exemple. Et à partir de ça, et pour d'autres stats, j'ai trouvé, comme tu dis, dans Internet, il y a aujourd'hui beaucoup d'informations. Mais surtout, le stade important pour nous, je pense, c'est le stade c'est quoi Daniel Guichard. Oui. Et oui, c'est ça. Alors, on va aborder maintenant ensemble l'histoire de cet album, Un maillot pour l'Algérie. C'est une histoire qui débute par un double événement, on va dire, les événements Acétif, et puis cette, ce que vous appelez, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'est vraiment appelé dans l'histoire, cette opération défection. Mais avant de nous raconter tout ça, peut-être s'il serait bon pour nos jeunes auditeurs de revenir brièvement sur le contexte historique de ce début d'album. Le point de départ de l'album, donc, c'est 8 mai 45 et bon, ce qui a été appelé émeute de Sétif, massacre de Sétif, suivant les camps, on va dire. Parce que le 8 mai 45, alors qu'on célèbre la victoire des Alliés à Paris, au même moment, dans un certain nombre de villes algériennes, eh bien, on est très heureux aussi, évidemment, de la victoire des Alliés, mais on manifeste son envie de plus de droits, plus de liberté, et pourquoi pas même carrément l'indépendance. Ces manifestations de Sétif, on le sait, ont dégénéré, il y a eu des morts. Voilà, et quatre des joueurs qui vont composer en fait l'équipe, la toute première équipe nationale algérienne de football, sont issus de Sétif, sont nés à Sétif et sont copains et jouent au foot à Sétif. Ils ont vécu ces massacres-là. Donc il y a Rachid Mekloufi, qui est carrément le personnage principal, notre témoin principal aussi. Hamid Karmali, Mekloufi a joué plus tard à Saint-Etienne, Karmali à Lyon. On a Mokhtar Haribi, qui est un peu le grand frère. Et enfin, on a Amar Rouaï qui jouait au SCO d'Angers à l'époque. Et ces quatre-là, donc, grandissent ensemble, vont venir jouer en métropole, puisque l'Algérie est française, en 58, et vont répondre à l'appel du FLN, et donc quitter le territoire pour un camp de base à Tunis, et monter, donc, seront la base, en fait, le socle vraiment de cette première équipe. Dans cet album, justement, vous appelez cette fuite et cette opération qui est montée pour rapatrier les joueurs algériens et les faire sortir de France. Je crois qu'elle est appelée opération défection ou quelque chose de ce genre-là. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En tout cas, qui décide de cette opération et comment ça se déroule? Donc, c'est la Fédération de France du FLN qui organise tout ça, qui a pris contact à travers certaines figures comme Mohamed Boumezrag ou Abdelaziz Bentifour, qui vont donc voir les joueurs. Voilà, dans leur ville respective, et tente de les convaincre que leur pays a besoin d'eux, qu'ils doivent devenir des ambassadeurs et faire du football une arme, en fait, une arme pacifique, entre guillemets, pour une juste cause. Mais ça n'a pas dû être un choix si facile que ça pour certains de ces joueurs, qui étaient pour certains sélectionnés en équipe de France. 58, c'est une année de Coupe du Monde, la France allait jouer la Coupe du Monde en Suède. Mais on comprend aussi par ce parallèle, cette habile chronologie de ce début d'album, que Sétif aussi forge chez ses joueurs, les événements de Sétif forgent chez ses joueurs une conscience aussi politique et une conscience qui dépasse le football. C'est pas monolithique hein, dans l'équipe. Bon, ils sont 12 à partir. Il y en a deux qui sont arrêtés à la frontière. Et donc, ils arrivent à 10 en Tunisie. Ils vont se trouver un 11e joueur sur place. Donc, au départ, ils n'ont même pas un seul remplaçant. Mais dans ces 11 joueurs-là, vous avez effectivement l'un des plus jeunes, donc Rachid, qui le dit lui-même. Hein, il n'est pas politisé du tout à l'époque. Il est déjà très heureux d'être footballeur professionnel en France. Il a plutôt une chouette vie par rapport à ce qu'il imaginait ou ce qu'il vivait en Algérie. Et il répond tout simplement, lui, à l'appel des grands frères. C'est-à-dire, on ne lui a pas envoyé n'importe qui. On lui a envoyé notamment donc, Mokhtar Haribi, qui est effectivement un des premiers joueurs professionnels algériens évoluant en France, et qui a une dizaine d'années de plus que lui. Et donc, qui, du coup, lui dit, le pays a besoin de toi, il faut que tu viennes. Et quand il dit oui, Rachid, c'est plusieurs mois avant l'évasion en réalité. Donc, il va dire oui au départ, sans du tout imaginer encore les conséquences que ça va avoir, sans même imaginer que ça va réellement se passer. Et au final, il va être prévenu 48 heures avant seulement, le vendredi, le match a lieu le dimanche. Et le vendredi, on lui dit, ben, prépare tes valises, dimanche, on part. Donc ils n'ont pas vraiment le temps de prendre du recul. À côté de ça, à l'autre extrême, vous avez notamment Ben Tifour, effectivement, qui est un des organisateurs de l'évasion, qui lui aussi est un des premiers joueurs professionnels algériens en France, qui a joué en équipe de France et qui tient un bar à Nice qui sert déjà de base arrière au FLN, notamment pour la collecte de l'impôt révolutionnaire. Donc là, lui est extrêmement politisé, c'est exactement pourquoi il va s'engager dans cette aventure et va toujours être un des meneurs politiques de l'équipe jusqu'à après l'indépendance où il va prendre des responsabilités aussi dans le nouveau football algérien de ce pays qui a donc émergé entre-temps. Donc il y a vraiment différents personnages. Celui dont on peut dire qu'il a peut-être fait le plus grand sacrifice, c'est quand même Zitouni, qui est le plus connu, qui est le défenseur central de l'équipe de France, qui lui est clairement sélectionné pour la Coupe du Monde 58. On dira d'ailleurs que si la France a perdu en demi-finale contre le Brésil 5-2, c'est parce qu'il manquait Zitouni en défense et qu'on n'aurait jamais pris 5 buts contre le Brésil avec Zitouni. Donc ça, c'est la façon bien française de gagner toutes les Coupes du Monde, même quand on se fait éliminer au premier tour. Mais pourquoi pas mais surtout, Zitouni allait être certainement transféré au Real de Madrid, le Real de Madrid de Di Stefano quand même. Et il avait 30 ans, donc quand il est parti, il a renoncé à tout ça. Il était marié avec une métro. Ce qu'on appelle une Française née en métropole, et ils ont donc dû tout abandonner pour avec femme et enfants pour rejoindre le FLN. Et quand ça s'est terminé, sa carrière était derrière lui, c'était fini. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment différents niveaux et d'investissement et d'engagement dès le départ, mais petit à petit tout ça va se s'homogénéiser sous la vie collective, tout simplement. Oui, pour rappeler quand même le contexte de ce livre, ça se passe en pleine guerre d'Algérie, puisque c'est entre 1958 et 1962, en grande partie, qu'a lieu le décor de cette bande dessinée. De la guerre, on voit surtout en fait les événements de Sétif. Finalement, après, on n'en parle plus trop. Moi, j'ai trouvé aussi que ce qui était assez intéressant, c'est qu'on voit surtout une grande proximité finalement entre les joueurs algériens et puis les joueurs français, avec par exemple cette lettre, ces rapports qu'il y a entre les Algériens et les Français qui vont jouer la Coupe du Monde 58. On a l'impression de rapports finalement qui sont très très apaisés. Alors c'est une lecture qui est assez intéressante parce que c'est pas du tout ce qu'on pourrait s'imaginer en fait d'un rapport entre des Algériens et qui essaient de se décoloniser et un rapport à la France. Il y a un rapport à la France en fait qui est pas si violent que ça. En fait, c'est en tout cas de cette manière-là qu'on lit en tout cas le rapport qu'ont ces joueurs qui s'échappent. Alors est-ce que c'est pas une lecture qui est un petit peu aussi celle des footballeurs, celle des nantis quelque part? Et est-ce que on n'aurait pas tendance finalement à masquer une réalité qui est celle du rapport des Algériens de France en tout cas à la France? Rachid, donc, qu'on a interviewé, qu'on a rencontré, dit que le racisme, en fait, il a vécu en Algérie, pendant qu'il était en Algérie, que une fois en France, en fait, il a été vraiment surpris de l'accueil et voilà, il a pas de souvenirs douloureux, on va dire, au moment de son arrivée en France, il a pas vécu le même racisme que dans sa terre natale, entre guillemets. Quand tu parles tu évoquais la carte postale là, de Copa, Fontaine et tout ça. Oui, ils sont footballeurs, ils sont copains. Alors, est-ce que l'amitié est au-dessus, en fait, sans doute de ces problèmes politiques? Après, c'est intéressant parce que tu fais allusion quand même au côté vision des nantis footballeurs, qu'on peut le dire malgré tout, on n'est évidemment pas du tout dans le star système ou le football business qu'on connaît aujourd'hui. Ça n'empêche qu'en moyenne, pour donner une idée, ces footballeurs gagnent 10 fois le salaire minimum en France de l'époque. Donc ça donne quand même évidemment une idée. Aujourd'hui, c'est qu'ils seraient donc payés autour de 12 000 euros à peu près, ce qui en fait donc effectivement des nantis, quoi qu'on en dise, en tout cas de la classe supérieure. Et c'est notre regard aussi. C'est-à-dire que cette histoire-là, elle n'est pas racontée d'un point de vue historique pur et dur, c'est-à-dire un historien qui pencherait le pour, le contre, qui en ferait une thèse, une antithèse, une synthèse, etc., sous la vision de la guerre d'Algérie. L'idée était de raconter l'aventure de ces footballeurs à travers leur regard. Et c'est vrai qu'ils n'ont jamais... ils n'ont pas renoncé à la France, enfin comment on va dire ça, ils ont renoncé à la France pour se décoloniser, mais ils n'ont jamais été en guerre contre la France. Ils ont été en guerre sans armes, d'abord, ce qui quand même permet aussi d'avoir une relation un peu plus apaisée, ils n'ont tué personne. Ils ont été en faveur de leur pays, non pas contre la France, et pour le coup, pour des valeurs qui étaient celles de la République française. Je veux dire, la révolution algérienne, elle se fait au nom de l'égalité, du droit de vote, etc. Donc on n'est pas du tout dans... dans une action terroriste, au sens où on l'entendrait aujourd'hui, par exemple, si on prend un exemple comme celui de Daesh, puisqu'on a aussi affaire à des jeunes Français, les fameux binationaux ou autres, qui partent rejoindre Daesh, par exemple. C'est pas le cas de ces... Je veux dire, c'est pas les mêmes valeurs pour lesquelles les footballeurs algériens de 1958 partent rejoindre le FLN. Donc oui, ils ont un rapport, tous relativement apaisés à la France, que ce soit aujourd'hui, mais y compris à l'époque. Il faut quand même se rappeler que Rachid Mekloufi revient en France. Après la fin de la guerre d'indépendance, il revient en France 6 mois après. Enfin, je veux dire, c'est rien, 6 mois avant nous, là, c'est les attentats du 13 novembre. Hein. D'accord ? Donc, or, quand il part en 62, il part rejoindre une organisation qualifiée de terroriste. Donc imaginez juste des types qui reviennent, qui auraient participé aux attentats du 13 novembre et qui reviennent aujourd'hui. Enfin, je veux dire, toute proportion gardée, on est quand même dans un truc comme ça. Quand il rentre, évidemment, c'est très tendu. Hein, il y a des menaces de l'OAS, notamment contre le président Rocher, le président Saint-Étienne, pas seulement contre Rachid Mekloufi, qui est obligé de prendre un garde du corps, etc. Mais en fait, très vite, il va redevenir ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un simple footballeur. Avant d'être un militant politique, en réalité, il était avant tout un footballeur. Et il est resté jusqu'à aujourd'hui. Alors parlons foot un peu, puisque cet album est aussi et beaucoup un album sur le football. Quand ces joueurs sont réunis, évidemment, c'est pas en Algérie qu'ils vont se centrer, qu'ils vont se élire leur camp de base, c'est à Tunis. Et à partir de là, ils vont naviguer à la fois dans une partie de l'Europe de l'Est et puis aussi en Asie. Et pour faire des matchs, pour jouer, tout simplement. Mais comment ça se passe pour eux, le choix des équipes qu'ils vont devoir rencontrer, puisque l'équipe n'est pas légitime aux yeux de, à la fois des institutions du football et à la fois des États. Et donc comment ça se passe? Ils sont blacklistés en fait par l'UEFA, par la FIFA pardon, qui menace de sanctions toute équipe qui pourrait jouer contre cette équipe qui est donc pas du tout appelée équipe d'Algérie en France. Hein. C'est l'équipe FLN, c'est l'équipe des terroristes. Donc ils vont jouer principalement dans un premier temps contre des équipes d'Afrique du Nord, le Maroc, la Tunisie, ils vont aller jouer contre la Libye, ils ne vont pas jouer contre l'Égypte qui a peur justement des sanctions, ils vont aller dans un second temps dans les pays d'Europe de l'Est parce qu'on est en pleine guerre froide et évidemment le bloc de l'Est soutient la cause algérienne. Et tu l'as dit, ils vont jusqu'en Asie, en Chine, au Vietnam. Les joueurs rencontrent Ho Chi Minh, Diap et compagnie. Ouais, tout ça est très politique et à mettre dans un contexte donc, qui est à la fois celui de la décolonisation et celui de la guerre froide. Moi, j'ai envie de comprendre aussi cette équipe d'Algérie, cette équipe du FLN, en tout cas, telle qu'on la nomme, elle a des super résultats et ensuite, à partir de 62 et quasiment jusqu'à 82, elle disparaît en fait sur la scène internationale. Ça devient une équipe médiocre, en fait, alors que c'est une équipe qui, dans les matchs amicaux, a des super bons résultats, qui va faire pas mal de résultats. Et il va falloir 20 ans après, alors, pour pouvoir retrouver en 1982 la Coupe du Monde, un match référence contre l'Allemagne, par exemple, un match très très important. Et je voulais savoir si c'était le résultat finalement d'un... après ce coup de pub finalement, le FLN, est-ce qu'ils arrêtent de soutenir le football, cette équipe-là, ou est-ce que c'est finalement que cette équipe se sépare et finalement va se perdre et toute la force de cette équipe qui résidait en fait dans le fait d'être l'équipe une équipe soudée finalement par une cause révolutionnaire, est-ce qu'en s'effondrant finalement, en accédant à l'indépendance, l'équipe d'Algérie meurt quelque part? En grande partie, oui, je pense qu'il y a de ça, parce que faut pas oublier que c'est vraiment, quoi qu'on en dise sur le football et ses stars, c'est quand même vraiment un sport d'équipe. C'est vraiment un des sports où vous pouvez voir une très petite équipe faire des exploits absolument incroyables par rapport à des plus gros. Il y a assez peu de sports où on peut avoir de telles surprises comparées au football. Et il est évident que cette équipe-là, quand vous entendez Rachid notamment en parler, il vous dit qu'il y avait quelque chose, oui, un peu de magique, que d'abord sur le terrain, ils étaient libres. C'était vraiment leur façon d'affirmer ça. C'était une équipe qui devait aussi produire du beau jeu parce qu'il fallait attirer les gens, etc. Donc il fallait pratiquer un football total pour qu'il y ait plein de monde au stade qui voient jouer cette équipe d'Algérie pour promouvoir la cause de l'indépendance algérienne. Donc il y avait ça qui les portait, c'est évident. Quand ils passent 6-1 à la Yougoslavie, au Maracana de Belgrade, devant 100 000 personnes quand même, c'est leur plus grand exploit. Ce jour-là, il y a l'ambassadeur de France dans les tribunes. Et ils sont prévenus avant, hein, dans les vestiaires, que l'ambassadeur de France est présent. Et ils jouent, alors aujourd'hui on dirait levé de rideau, en réalité à l'époque le match le plus important était avant. Et donc il y a un match de Botafogo, une équipe brésilienne avant eux, et eux jouent le deuxième match. Et les spectateurs commencent à quitter la tribune quand leur match commence, parce qu'ils ont vu le match le plus intéressant, croient-ils. Et en fait très vite l'Algérie ouvre le score, est rejoint à un partout, puis ensuite va donc mettre 6-1 au Yougoslave, qui était quand même en demi-finale de l'Euro 2 ans auparavant. Et c'est évident qu'il y a ça qui les portait. Et quand l'indépendance est arrivée, d'abord, un certain nombre de joueurs ont arrêté leur carrière là, notamment des joueurs comme Zitouni, encore une fois, et on a assez peu travaillé le sujet, mais quand on en avait discuté avec certains témoins, quand on lit les témoignages de l'époque, très vite est malheureusement arrivé, alors comment on va dire, pas de la corruption, c'est un grand mot, mais du favoritisme en tout cas, et qu'on a fini par favoriser tel ou tel joueur issu de telle ou telle région, qui était le poulain de tel responsable politique plutôt que d'un autre, les joueurs qui jouaient en France étaient moins bien vus évidemment que des joueurs qui jouaient en Algérie, des choses comme ça, qui fait qu'ils ont mis un certain nombre d'années à rebâtir une équipe avec un tel fond de jeu et une telle solidarité. Et c'est pas anodin de constater que le renouveau de l'équipe algérienne, il se passe quand ? La première étape, c'est 1976, aux Jeux méditerranéens, où l'équipe d'Algérie militaire bat l'équipe de France. C'est le premier match officiel, hein, entre la France et l'Algérie, 2-1. Qui est l'entraîneur de cette équipe militaire ? Rachid Mekloufi. Voilà, qui est entre-temps devenu entraîneur. Et c'est cette équipe militaire, composée de jeunes types qui font leur service militaire, qui va devenir celle de 1982, quand Rachid Mekloufi va du coup être promu entraîneur de l'équipe nationale, première. Il va promouvoir cette équipe militaire-là, et ça va donner la génération de 82 qui pratique justement un football total, où tout le monde attaque, tout le monde défend, qui était déjà la façon de jouer de l'équipe du FLN. Il faut revoir les buts de l'Algérie contre l'Allemagne en 82, c'est du jeu vidéo. Hein. C'est vraiment... faut revoir ça, et je pense qu'on doit être là dans le style que l'équipe avait en 58. Pour compléter, peut-être, en 62, il y a une équipe, il y a une très bonne équipe de foot, mais l'Algérie est à reconstruire, et le football algérien est à reconstruire aussi. Donc il va falloir, ça va mettre du temps, tout ça. Parlons football et parlons Belgique-Irlande Magic. Où est-ce que ça en est au stade ? Dites-nous tout. Oui, est-ce que vous m'entendez ? Bien sûr, on vous entend. Oui, ici, un formidable match pour faire la sieste, puisque pour l'instant, nous jouons la 33e minute et toujours 0-0. Et un match où la configuration est très simple. Les Irlandais laissent le ballon aux Belges. Les Belges ne savent pas trop quoi en faire et les Irlandais essayent de procéder par contre et de jouer sur leur Vatou, qui est le jeu aérien de tête. Et il y a eu quelques petites occasions, notamment pour les Belges, un tir de De Bruyne et de Lukaku tout à l'heure, mais pas plus que ça pour l'instant. Et donc toujours 0-0 ici au stade de la ville au bord de l'eau. Merci Magic. Est-ce que vous avez l'occasion de regarder un peu, chers invités, ce qui se passe aussi sur l'écran de droite, c'est-à-dire le commentaire dessiné de Mathieu Chiara, l'autre invité de cette émission des Bâtons d'Anguirou. Moi, j'ai un petit peu regardé ce qui se passe. Est-ce qu'on peut commenter rapidement ce qu'on a vu sur cet écran, peut-être Bertrand, est-ce que vous avez jeté un œil Comment est-ce qu'il voit le match, selon vous? Il a l'air super concentré et très actif, mais j'avoue que je ne sais pas. Pas trop fait attention. Oui, moi j'ai remarqué qu'il avait l'air effectivement de trouver que le football était particulièrement excitant. Ah oui, voilà. On comprend bien là où vous voulez en venir, mon cher Mathieu Kéala. Alors vous l'avez dit, Rachid Mekloufi était un de vos principaux témoins pour raconter cette histoire. C'est aussi quasiment le personnage principal de cet album. Et l'AI Magic a préparé un petit montage de son pour entendre un petit peu sa voix. Et après, on va parler un petit peu plus précisément de lui. On écoute ça. On m'a dit, demain, on part sur Tunis. Point final. Bon, j'ai dit, bon, on attendait ça. Vous savez, moi, je suis de Sétif. Donc, à Sétif, il y a eu quand même, en 1945, c'était violent, c'était une catastrophe. Tout Algérien espérait avoir l'indépendance. À partir du moment où on nous a donné un ballon sur un terrain, on a tout de suite vu que c'était une équipe merveilleuse, qu'il y avait une coordination, un jeu, une compréhension du jeu entre nous. C'était les 10 meilleurs joueurs du championnat français. Il y avait 11 Zidane dans cette équipe du FLN. C'est pour ça que je dis, c'était pas sentimental, c'était techniquement quelque chose de magnifique. C'est ça qui nous a un petit peu fait oublier le reste. Saint-Étienne était ma ville de réception. Quand je suis parti de Sétif, je suis allé directement à Saint-Étienne. Et à Saint-Étienne, je trouvais une famille. Quelle est la famille ? C'était l'entraîneur Jean Snella qui était là-bas et qui m'a énormément aidé dans ce domaine de football, d'éducation. C'était mon second père, pour ainsi dire. Et c'est pour ça que mon désir de revenir à Saint-Étienne était grand. Et je ne savais pas si je pouvais aller ou non. C'est pour ça que j'ai demandé au M. Bembella, qui était président de l'Algérie, du GPRA, si je pouvais. Je pensais que j'allais recevoir une réponse négative. Je pensais qu'il allait me dire, bon, maintenant, on va construire notre pays, etc., etc. Non, lui, au contraire, il m'a dit, mais bien sûr, si on s'est battu pendant 8 ans, ce n'est pas pour aujourd'hui bloquer nos citoyens avec la censure. Donc, tu peux aller à Saint-Étienne. Quand je suis arrivé à Saint-Étienne, d'abord, il y avait beaucoup de remue-ménage, il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas que je revienne, surtout les gens de l'Ouest, surtout les Pieds-Noirs. Mais la majorité de la population stéphanoise était pour. Et ben, c'est bizarre, parce que d'habitude, je regarde Mickey, je regarde toutes ces bandes dessinées, mais là, je me revois, et je me vois comme partie prenante de cette BD, et ça me fait énormément plaisir, et surtout, je pense que ça va faire plaisir aux supporters de l'AS Saint-Étienne, aux supporters algériens et aux supporters français. On vient d'entendre la voix de Rachid Mekloufi, l'un des personnages, le grand personnage de votre album. J'avais un peu envie de vous demander à tous les trois, et peut-être à Ravi, puisqu'on ne l'a pas beaucoup entendu pour l'instant. Vous l'avez rencontré, tous les trois, Rachid. Parlez-nous un peu de lui, comment il est, cet homme-là. Oui, pour moi, c'était une belle expérience connaître à Rachid, et à Monsieur Rachid Mekloufi. Parce que c'est une personne incroyable, c'est un fou de football, il parle tout le temps de football. Et je suis content parce que comme je suis de Barcelone, et supporter de Barcelone, je lui ai dit ça et à partir de ça, il est très content de me connaître parce qu'il est fan de Guardiola, Xavi et tout ça, et de jeux qu'il fait de Barcelone. Et bon, pour moi, c'est ça, connaître une personne avec ses pèses, pas si c'est un mot français, historique, ses forces historiques, c'est une belle expérience pour moi. Bertrand, un mot peut-être sur Rachid, et après on a une dernière question du doc. On se demandait un petit peu comment il allait accueillir le projet, on n'y allait pas spécialement avec toute la sérénité du monde. Et on a été super bien accueillis, en fait, dans un premier temps à Paris, puisque c'est là que vit son fils, dans le quartier de la Défense. Et oui, on a été reçus avec des pâtisseries orientales, avec un sourire immense, et on a eu carte blanche, en fait. Et voilà, donc c'est, comme dit Ravi, c'était des moments forts et émouvants, qui se poursuivent, puisque pendant la promo en fait, de la bande dessinée, il est de temps en temps avec nous, et voilà, on passe de très bons moments. Ah, pardon, je vous dis aussi que je suis content, parce que CBD, pour lui, il a donné une reconnaissance, que je crois que c'est pour sa vie, je ne sais pas comment le dire, c'est quelque chose de très important, et je crois que c'est de justice qu'il est finalement reconnu comme un grand joueur historique. C'est vrai que le traitement médiatique de cette affaire, elle est aussi intéressante, puisque l'année 1958 en France, c'est l'année du putsch des généraux, l'année de Gaulle, du « je vous ai compris », de la nouvelle constitution. C'est Pelé en Suède et Juste Fontaine. Est-ce que cette épopée de l'équipe d'Algérie, elle a eu des répercussions en réalité en France? Est-ce qu'elle a été traitée? Et est-ce que les répercussions que vous avez pu suivre, c'est pas finalement plutôt par la presse étrangère, par des sources étrangères, que vous les avez le mieux saisies? L'évasion fait la une quand même de pas mal de canards, sportifs ou non. Hein, On a pu consulter aussi bien l'équipe que Le Monde, par exemple. Et Mais l'affaire voilà, est passée sous silence ou sans terre au bout d'une dizaine de jours, deux semaines. À mon avis, il y a deux raisons à cela. Il y a d'une part le fait que les autorités françaises n'ont pas spécialement envie qu'on fasse trop de bruit autour de l'évasion et de la mise en place de l'équipe en question. Et il y a la Coupe du Monde qui arrive en Suède au mois de juin. Et donc, politiquement, on a voulu probablement en France cacher des choses, passer sous silence. Et ben, voilà, l'actualité sportive, c'est la Coupe du Monde, c'est pas les matchs amicaux de l'équipe algérienne. On a consulté, oui, de la presse étrangère. La presse suisse, un petit peu. On a trouvé des choses, notamment sur leur évasion. Après, il existe forcément, quand ils ont joué dans des pays étrangers, des comptes rendus, mais les comptes rendus de journaux d'Europe de l'Est, on n'est pas super capable de les lire, même si on les trouvait sur Internet, encore moins les journaux asiatiques. Mais c'est vrai que, non, médiatiquement, c'est quelque chose qui aujourd'hui fait partie de la légende et de la mythologie des luttes d'indépendance algérienne, mais qui commence quand même à être oublié aussi par la génération actuelle, hein, par énormément de jeunes Algériens qui connaissent réellement cette histoire, en tout cas pas obligatoirement dans le détail, et la ramener aujourd'hui au grand jour, je pense, était important, mais aussi pour toute une génération de jeunes Français aujourd'hui de connaître cette histoire-là, parce que c'est aussi une histoire française. Enfin, ça a failli être le sous-titre, qui aurait été un peu provocateur, d'accord, mais qui n'aurait pas été injustifié de cette bande dessinée, une histoire française, parce qu'à l'époque, on l'a suffisamment répété, l'Algérie, c'est la France, et que surtout, ces joueurs ont joué pour l'équipe de France, hein, une partie d'entre eux, et que ça illustre tous les rapports aussi complexes qu'enrichissants qu'on peut avoir la France et l'Algérie, souvent très clivants, d'accord. Et là, cette histoire, elle recrée du lien quand même entre la France et l'Algérie, encore une fois, notamment par le personnage de Rachid Mekloufi, qui a continué sa carrière en France et qui reste un des joueurs français, voilà, considéré comme tel, un des plus grands joueurs français. Quand Jean-Michel Larquet vous dira que c'est le plus grand joueur avec lequel il a joué, par exemple. Enfin, voilà, la trace dans l'histoire française de Rachid Mekloufi est importante quand même. Alors, on fait une petite pause musicale avec Mickey 3D, l'artiste préféré de Bertrand Gallic et de Rachid Mekloufi, et un morceau qui s'appelle Johnny Rep. Johnny Rep parce que à Saint-Etienne, évidemment. Bon, ouais. Allez, on écoute ça. Premier but, explosé au moment du second, c'était un pénalty, et explosé de joie également au moment du troisième but qui marquait la victoire finale de l'AS Saint-Etienne face à l'équipe polonaise de Lod. Ce soir c'est le tout premier match de la saison, et Johnny Rep a les cheveux blonds. 45 000 personnes se tassent dans le chaudron, et Johnny Rep enlève son pantalon. Un ange qui passe dans les vestiaires, Johnny Rep enfile son maillot vert. Ce soir la lune escorte les champions, et Johnny Rep affûte ses crampons. Ce soir la foule n'en peut plus de chanter, et Johnny Rep évite les croche-pieds. Johnny Rep par Mickey 3D, c'est Débattons d'Anguirou en direct de l'Autoportrait à l'occasion du festival Badam. On a comme invité exceptionnel Bertrand Gallic, Chris et Ravi Ray pour l'album Un maillot pour l'Algérie. Une dernière question peut-être avant de retrouver Magic au stade pour la mi-temps. C'est quoi votre rapport au foot, à vous, directement? Vous jouiez, vous aimez ça? Je me souviens, Chris, qu'on avait eu une discussion il y a quelques années à propos de Roberto Cabanias, un fameux avant-centre du stade brestois, qui était venu marquer deux pions ici au stade Vélodrome. Oui, Brest et Marseille, ça a souvent été une grande histoire d'amour pour nous, les Brestois, parce qu'on a souvent fait des grands matchs contre Marseille, il faut bien qu'on en fasse de temps en temps. Mais moi, j'ai un rapport au foot, c'est autant que je m'en souvienne, façon assez concomitante avec la bande dessinée, mais c'est ma première passion, vraiment. Faut savoir que, comme j'ai quand même un certain âge à l'époque, on pouvait pas commencer le foot avant l'âge de 7 ans, c'est-à-dire quand on était en CE1, mais en plus, c'était les années scolaires qui comptaient. Moi, j'étais né en septembre, donc je pouvais commencer le foot qu'en CE2. Et donc, on m'avait collé en poterie au foyer laïque quand j'étais en CP, et je regardais tous ces garçons qui jouaient au foot par la fenêtre pendant que moi, on essayait de me faire des petits cendriers en poterie ou des conneries de personnages. Et malheureux, voilà, je voulais absolument, moi, aller jouer jouer. Et donc on a fini par m'autoriser à jouer un an sur assez surclassé d'ailleurs tout le temps du coup pour rester avec mes copains. Et il fallait un ballon. Enfin voilà, toute la journée c'était ça. Je suis rentré au Stade Brestois. J'ai quitté mon petit club quand j'avais 10 ans. Donc j'ai rejoint ce qui n'était pas encore le centre de formation du Stade Brestois, mais ce qui était un peu l'embryon à l'époque. Et donc oui, dans ma vie, je voulais être champion du monde de football, évidemment, quoi. Alors après, j'étais blessé en 98, donc ça n'a pas pu se faire. Et donc, je suis devenu auteur de bande dessinée. Mais faire un album sur le foot, oui, là, je conjugue mes deux passions irraisonnées, qui fait que je suis capable d'aller voir un Brest-Châteauroux un lundi soir sous la pluie, alors que je peux voir que la deuxième mi-temps, parce que j'avais une réunion avant, et j'y vais quand même, quoi. Et je sors de là, je me dis, mais pourquoi ? Et j'y suis allé. Voilà. J'ai le même rapport maladif avec ce sport que j'ai pratiqué depuis le plus jeune âge et que j'ai arrêté de pratiquer il y a peu. J'ai des souvenirs extraordinaires avec mon père, je vais vous faire pleurer, avec mon père qui m'a amené au stade Francis Leblé, des matchs contre l'OM à qui on mettait des piliers, oui, régulièrement. Voilà, donc... Ravi. Oui, pour moi, avant de vouloir être dessinateur, j'ai rêvé d'être joueur de football jusqu'à les 20 années. C'est l'unique chose que j'avais dans ma tête. Mais finalement, la vie te donne le chemin que tu dois choisir. Et c'est pas mon métier de football. Alors Magic, je crois que c'est la mi-temps dans la capitale girondine. Oui, tout à fait. L'arbitre vient de siffler la fin de la première mi-temps il y a à peine une minute de cela. Et le score ici est toujours de 0-0. Imaginez un match avec une équipe qui ne veut pas la balle, l'équipe irlandaise qui la laisse volontairement donc à nos amis belges. Et les Belges qui tournent avec, qui se font des passes, qui redoublent de passes, ils essayent de passer sur les côtés, mais l'équipe irlandaise en défense est très bien organisée, très bien concentrée. Et ça a laissé quand même quelques petites occasions aux Wallons et Flamands, notamment sur un tir de Hazard, un tir de Lukaku et à la fin sur un corner. Une reprise de la tête d'Alderweireld. Voilà les principales actions qui ont été dans cette première période. Mais mis à part cela, il fait beau ici dans la Gironde. Les gens sont plutôt contents. Ils dorment un petit peu et c'est formidable. Merci Magic, mais autrement dit, c'est un peu chiant quand même ce match. Dans le métier, on n'a pas le droit d'utiliser certains termes, donc c'est un super match. Alors, on va profiter de la mi-temps pour rendre un peu hommage à nos invités aujourd'hui et se mettre peut-être probablement un peu en danger, nous-mêmes, membres du dispositif des bâtons d'Anguirou. On a décidé, plutôt que de faire une lecture d'une partie de votre album, ce qui se fait parfois dans les rencontres littéraires, il en existe, de faire un peu une sorte de mise en scène, d'interpréter ces quelques pages de votre album. Et pour cela, on a convoqué quelques grands acteurs du patrimoine français que nous allons donc nous charger laborieusement d'imiter. Le coach à mes côtés sera un peu la voix off de ces quelques pages que nous avons choisies. Et le coach sera Alice Sapritch. Le docteur, lui, sera Jean Gabin et interprétera le personnage, je crois, de Mokhtar, je pense. Magic en haut, Magic dans la cabine, vous nous entendez ? Oui, toujours la réception est toujours bonne. Qui serez-vous, Magic ? Dites-moi. En tant que un fameux personnage qui est mort aujourd'hui maintenant, mais je pense que vous allez le deviner. Mais on espère, grâce à votre imitation. Je crois que vous serez Fernandel, on va le dire quand même aux gens, parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué. Qui ça ? Fernandel, vous serez Fernandel, Magic. C'est pas ce qu'on avait dit, si, mon cher Magic. C'est ce qu'on avait dit, mon cher Magic. Fernandez, peut-être. Fernandez. Ça sera peut-être plus Fernandez que Fernandel. Quant à moi, je serai Yves Montand. Et puis, on se lance, on y va, hein, et on verra ce que ça donne. Précédemment dans l'album, Mokhtar Ibi, oh chérie, entraîneur-joueur à Avignon et Hamid Kermali, joueur de Lyon, retrouve Rachid McLoufi à l'hôpital de Saint-Étienne. De là, en voiture, il s'arrête à rejoindre la frontière pour fuir la France. Non, c'est toujours à toi. Quelques mois plus tôt, à Nice, Deux hommes pénètrent dans un café, de l'intérieur duquel on entend le patron demander à sa femme de fermer la terrasse. La scène se poursuit à l'intérieur, où le patron, qui n'est autre que Abdelaziz Ben Tifour, joueur de Nice, finit par reconnaître les deux entrants. Oh, Galinette, Mokhtar. Salut Ben Tifour. Je te présente moi-même Moumzraï. Il apporte de bonnes nouvelles. La scène se poursuit dans l'arrière-salle. L'opération équipe nationale algérienne est désormais validée. Les footballeurs qui vont composer cette formation évoluent dans les plus grands clubs de métropole. Nous allons organiser leur évasion de France, rapidement et en toute discrétion. Rien ne devra filtrer avant que l'ensemble des joueurs n'aient rejoint la base du FLN à Tunis. Oh, parfait! Une équipe nationale algérienne! Les retentissements vont être phénoménal. Je l'espère bien! Le monde entier doit savoir qu'il y a une guerre en Algérie et que des hommes sont prêts à tous les sacrifices au nom de la liberté pour affirmer leur droit à l'indépendance. Une question reste en suspens. Quand? Nous devons agir vite, avant la Coupe du Monde en juin, pour affaiblir l'équipe de France et marquer l'opinion publique. Et le dernier match amical avant le début de la compétition est prévu le 16 avril contre la Suisse. Et bon, tu ne le joueras pas, cette rencontre. Popluk Mustafa Zetouni. Quelles rencontres de championnat sont programmées le 13 avril? Après les matchs, un dimanche soir, ce serait le moment idéal pour partir. Bien certain Reims-Toulouse, avec Brahmi et Bouchouk. Et pendant ce temps-là, avec Monaco, on recevra le SCO d'Amaroua et Galinette, au stade du Ray. Je rappelle que nous sommes 5 Algériens dans l'équipe. Boubekeur, Bekloufi, Chabri, Zitouni et moi. Très bien, très bien, très bien, très bien alors. Le plus simple pour les Monégasques et Rouaille sera de passer directement en Italie. Les autres vous y rejoindront après un crochet par la Suisse. Cela paraît le meilleur plan, en effet. Les familles et ceux qui joueraient pourraient... Par là... qui joueraient pas, pourraient même partir en éclaireur. En fait, tout cela serait parfait si le foot ne se pratiquait pas à 11. Il nous manque au moins 3 gars pour former une équipe. Dis, j'ai peut-être 34 ans, mais je suis encore entraîneur-joueur en Avignon. J'endosserai le même rôle pour l'Algérie. Pour le reste, faut prendre Amel Karmali de Lyon et Rachid Mekloufi de Saint-Etienne, son jeune joueur pétri de talent, eux aussi pressentis pour aller au Mondial avec l'équipe de France. Ce serait certainement de bonnes recrues, mais tu les connais, toi? Si je les connais, eux devaient le petit Amaroua. Je les suis depuis leur première culotte courte, c'est tif. Voilà, on s'excuse bien évidemment auprès de vous, chers auteurs de cette magnifique bande dessinée, un maillot pour l'Algérie. On va retrouver Magic pendant la mi-temps, peut-être un petit peu voir s'il a réussi à avoir des interviews de joueurs, d'avoir les sélectionneurs. Dites-nous, Magic. Écoutez, je viens de faire un petit numéro pour une émission qui s'appelle Débattons d'Anguirou, où j'ai interprété le rôle de Fernand Dalle. Donc j'ai pas eu le temps d'aller voir ni l'entraîneur ni les joueurs des deux équipes. Bon, bah merci Magic. On va faire une petite pause musicale de nouveau puisque c'est la mi-temps, on en profite. Cette fois-ci, c'est vous, Ravi, qui avez choisi le morceau, morceau catalan. Aux couleurs de votre accent, dites-nous tout. Et oui, j'ai trouvé pas une chanson relationnée avec le foot, alors j'ai préféré de vous porter un groupe catalan qui s'appelle Manel, qui est très très bon, j'espère. Alors on écoute ça. Ia, ia, la, ni, Madrid vam conèixer tres dones altes i elegants i amb una em vaig posar d'acord. Vam conversar, vam riure i hem fet l'amor. I m'ha parlat del seu país i de les coses que fa aquí, amb un castellà força estrany, sorprenentment fluït. Més gros que tens, m'ha dit la dona alta des del llit, i a la paret ha assenyalat un quadre verd que de nena havia pintat. I que bonic, que bonic, que bonic, m'he dit, quina nena més dolça devia ser, quin plaer haver-la pogut conèixer fa molt de temps. M'ha dit, si et quedes quieta dins del llit, t'ensenyaré una cançó que a casa em cantaven per anar a dormir. Parla d'un bosc i d'un senyor que hi viu aïllat entre oms i flors, i es protegeix dels mals humans amb un exèrcit d'animals. I que bonic, que bonic, que bonic, m'he dit, i quina veu més fina que té, quin plaer haver-la pogut conèixer fa molt de temps. Débattons d'Anguirou, spécial foot BD sur Radio Grenouille. Nous sommes toujours en direct. Eh non, on n'est pas en direct, c'est enregistré, c'est vrai. Nous sommes par contre en public au salon de coiffure L'Autoportrait, rue des Trois Frères Barthélémy. Pendant le festival Badam, et je cherche des yeux dans l'assistance, la présence d'un représentant peut-être de ce festival. Peggy qui est là, qui vient de faire son entrée dans le public. Peggy, peut-être tu pourrais nous dire juste deux mots du festival, comment ça se passe, qui est-ce qui organise ça, c'est pas toi toute seule j'imagine, et voilà, nous dire un petit mot du programme du week-end. Je peux. Alors, le Festival Badam, c'est sa 7e édition, et en ce qui concerne le programme de la fin d'après-midi, il se trouve qu'il pleut, que nous avons donc rentré toutes les tables, mais du coup on est bien au chaud à l'autoportrait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui? Après des bâtons d'Anguirou, on va au Cercle Rouge, restaurant rue de Thiers, où on clôturera ce festival et il y a une exposition des planches de Gaël Henry sur la bande dessinée Alexandre Jacob. Voilà. Donc sinon, on est super contents. Vous avez l'air de trop bien assurer, là. Merci, Peggy, pour ces petites présentations. On va retrouver le docteur, maintenant, pour commencer cette seconde mi-temps. Je vois que les joueurs Magic, les joueurs vont revenir sur le terrain, c'est ça ? Oui, les joueurs sont en train de revenir sur le terrain. Tout à fait, le match va pouvoir reprendre pour la deuxième mi-temps, mais d'ici une ou deux minutes, je pense. Très bien, on vous reconsultera pour l'occasion, bien évidemment. Docteur, vous nous avez préparé aujourd'hui une traditionnelle chronique. Les auditeurs vous connaissent pour ce talent-là. Et aujourd'hui, vous allez parler de BD. Ouais, je vais parler de BD avec la voix de Philippe de Villiers cette fois-ci. Voilà. Mais à part la chimère qui m'a longtemps... Non, je déconne, en fait. Je voulais me venger de Jean Gabin, voilà, qui m'avait été attribué par tirage au sort, un grand moment de solitude, heureusement un petit peu partagé avec mes collègues qui, à mon avis, avaient fait le tirage au sort eux-mêmes. Mais bon, voilà. C'était un sondage. C'était un sondage. C'était l'opinion qui s'était... Bon. Qui avait parlé. Allez, je vous parle de BD. Mis à part la chimère qui m'a longtemps porté à croire que les fusées pouvaient se poser sur le sol lunaire par un évident et simplissime principe de rétroaction, certitude dont je ne fus déniaisé qu'à un âge bien avancé que je n'aurais pas l'indécence de vous avouer ici, eh bien figurez-vous que ma première véritable illusion liée à la bande dessinée nous renvoie à l'être tutélaire dont nous tirons notre nom, à ceux des murges du football amateur, tardivement converti au goût pour l'argent facile, lui, l'ennemi des boîtes de nuit, le grand-père de famille prompt à avancer les pendules pour mieux vous vider la tirelire au prétexte d'un retard à l'allumage. L'innommable maquignon bourguignon, fatalement acoquiné à l'éleveur de poulets en batterie, en grosse caisse et en cymbales, ce père bien dodu et paternaliste sévissant comme d'autres légendes de Lyon dans cette sinistre préfecture qui délaissait la prononciation du X pour en paraître plus austère. Ce premier quiproquo tient d'une mauvaise interprétation toute fantaisiste de la véritable signification du stade de la BD Champ, entre qui vite, à la surprise générale, ces joueurs sacrés par un doublé en 1996. La BD et le chant, flippante évocation des deux disciplines les plus vilipendées par l'éminent collégien que j'étais à l'époque. Cette terrible alliance du sabre et du goupillon, BD, chant confinant à l'horreur lors des deux heures hebdomadaires consacrées, qui aux arts plastiques, qui à l'éducation musicale, tant surtout prompte à vous passer l'envie de vous mettre un casque de baladeur sur les oreilles, à jurer sur l'honneur ne pouvoir esquisser un soleil. Incommodé par la proximité sonore de ces ersatz artistiques, le tout incarné par un minable stade de province, je mettais bien sûr tout ça dans le même sac. Les chants de supporters, pathétique Diable Rouge et Gaston Lagaffe, l'idole à ce moment mise au banc de mes mythologies, l'homme au cassoulet comme dernier vaporeux rempart au franchissement des lignes blanches, le garçon qui bille en tête tenait non seulement la trajet haute à Demesmaker, mais aussi aux boules de bowling, l'être qui subit même les foudres d'un Lebrac qui ne se révéla un connard que quand il eut enfilé ses crampons. Enfin, l'amoureux du plumard se révantant champion du monde, couronné par une mademoiselle Jeanne effaçant par là même les offensante marque typographique de l'outrageante machine à écrire qui s'obstinait à ternir l'appendice nasal de notre héroïque garçon de bureau. Ton foot me manquait alors, Gaston. Toi qui ne craignais pas la bulle, toi qui planchais sans relâche à faire disparaître le courrier des lecteurs, à soustraire ta vignette à l'affreux mange-fric ou à l'œil d'épervier de Lontarin, les traits déjà tirés par la perspective de la loi El Khomri. Mais la méprise prit fin. Rien d'acronymique dans ce nom de stade, mais bien une sourde évocation à mi-chemin entre la baie des singes et la clé des champs. Cette acception perdant tout bucolisme en me renvoyant immédiatement à la figure du capitaine des Bleus. La dèche, court sur pattes, grosse tête ou même Dédé le balai brosse, les attributs ne manquaient pas à ce personnage si facile à croquer. But ? Il y a but, Magic, est-ce oui. qu'il y a but ? Il y a but, non ? Oui, tout à fait, mais j'entendais notre cher docteur, donc je n'ai pas voulu le couper, mais tout à fait, en ce tout début de reprise de mi-temps, eh bien c'est l'attaquant belge qui, d'une superbe frappe juste à l'extérieur de la surface de réparation des Irlandais, vient tromper le gardien irlandais sur son côté droit et ça fait 1-0 pour les Belges. Et c'est plutôt bien récompensé pour nos amis wallons et flamands parce que en première mi-temps ils n'avaient pas montré grand chose et là tout de suite ça les place dans une meilleure situation et 1-0. Et je pense que ça va pouvoir regonfler relever le moral de cette équipe et félicitons encore l'entraîneur des Belges, Marc Villemotte, qui a laissé la confiance à son attaquant qui avait été très critiqué, Lukaku, qui n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. C'est ce qui a été le cas ici, donc 1-0, et bah, c'est très embêtant pour nos amis irlandais qui doivent recomposer de tactique là pour essayer d'aller chercher cette victoire au moins. Puisque vous avez la parole et avant de la redonner au docteur, mon cher Magic, vous avez été rejoint pour cette deuxième mi-temps puisque les moyens de débattre d'Anguirou et ceux de Radio Grenouille sont illimités. Nous avons le pouvoir de téléportation. Chris vous a rejoint au stade Girondin. Oui, tout à fait. Je vais peut-être lui passer la parole, mais il est très très concentré. Il va peut-être exprimer un souffle. Pardon, si j'ai des sens, je peux parler, pardon. Et qu'est-ce que vous m'avez demandé, pardon? Si tout allait bien. Mais comment alors ça, c'est pas que c'est en train de commenter. Je crois que l'émotion, oui, l'émotion vous prend. J'ai pu dessiner un joueur de la Belgique, que c'est un peu mon pays, parce que je suis né en Bruxelles, qui célèbre les buts, les 1-0. C'est bon? Oui, super. Tout à fait. C'est super. Mais il y a aussi Chris qui vous a rejoint, je crois. Ça, c'était ravi, mon cher Magic. L'émotion vous prend. Magic, on a perdu. Oui, tout à fait, je suis là, je suis concentré sur le terrain, mais ouais. Je crois que quelqu'un d'autre est venu à la place de Chris. Ah d'accord, bon, ben, on en reparlera tout à l'heure. On va redonner la parole au docteur. Docteur, vous avez été interrompu, reprenez s'il vous plaît. Une nouvelle fois, la supercherie démasquée, je changeais mon fusil d'épaule. L'abbé Deschamps, menaçant prélat. Baden-Powell ombrageux à vous faire marcher droit en serrant sur tous les fesses, le père de l'association de la jeunesse auxerroise, la JA, nous rappelant au temps béni où les cardinaux gouvernaient, où il était de bon ton de croquer du curé. Hélas, depuis, quelques-uns de nos héros à la gomme et à la pointe HB ont délaissé la soutane pour se métamorphoser en bouffeurs de croissants. Ils l'ont payé un peu cher, il est vrai, et ont quelque peu perdu leur causticité en faisant le grand saut. Ce n'est pas le cas aujourd'hui au travers de deux ouvrages qui nous sont présentés. La nuance est désormais de rigueur, comme dans cette première bande dessinée, Un maillot pour l'Algérie, qui évoque l'épopée de joueurs algériens soudainement happés par le cours de l'histoire. Le propos n'est pas tant d'insister sur cette période si difficile à saisir qu'est la guerre d'Algérie, mais bien d'aborder la petite histoire par des individus qui ont modestement contribué, mais qui témoignent avec brio et entrain de la diversité des répercussions de la chose politique sur les trajectoires individuelles. Quant à hors-jeu, dès le début de cet ouvrage, on saisit que le football comble un ennui latent, quasi celui d'un dessinateur qui s'échine à compter puis dessiner les poils de la pelouse. Le foot apparaît clairement, à l'instar du jeu, comme un palliatif au non-sens de la vie. Dans sa pratique, c'est une source d'amusement, de plaisir, de rivalité, de compétition et de guerre, bien sûr. La gangrène de l'institutionnalisation du football, d'un euro ou d'une coupe du monde, transpire dans des quotidiens marqués par le diptyque fascination, désamour, passion, haine. En dernier lieu, ce qui ressort de ce style épuré, c'est bien la vacuité du ballon rond, devenu, heureusement seulement périodiquement pour la plupart d'entre nous, un pis-aller contre l'ennui, finissant lui aussi assassiné par son propre quotidien, sa récurrence, son incapacité à s'évader du contenu normatif qui lui est désormais assigné. La vacuité du football est ici remarquablement illustrée par le personnage de l'attaquant vedette, sa profonde désillusion jouissive pour le lecteur. La BD, comme le foot, fait sens dans sa profonde matérialité. J'en ai moi-même fait l'expérience en lisant récemment une BD sur mon ordinateur, Un maillot pour l'Algérie, pour la cité. J'y ai retrouvé les errements des matchs en streaming, l'inconfort du support plastico-métallique, la dictature d'un hic et nunc illusoire. Cette année, la compétition est payante grâce à Beansport et l'on ne peut que remercier les chaînes câblées de sevrer notre domicile de sa cam canapéenne. Il faudra alors vivre le football, le partager, peut-être ici, et ça fera aussi drôle peut-être d'acheter une BD. Merci docteur pour cette très belle chronique. La presse vous annonçait un peu en méforme, mais finalement vous êtes bien là et vous êtes remonté comme un coucou. Oui, c'est sûrement Jean Gabin qui m'a donné la force de continuer malgré cette interruption due au but. Et à l'apparition du sosie de Richard Virenque à la télévision. Je ne sais pas si vous avez vu ce défenseur Vermeulen, numéro 3, belge, vous verrez. On verra ça plus tard. Alors, cette chronique du docteur, comme pour introduire un peu les prochaines questions qu'on va vous poser, sur le plateau nous a rejoint Mathieu Chiara. Si. Bonjour Mathieu, comment allez-vous? Très bien, merci. Vous êtes l'auteur d'Hors-jeu, donc on le disait en présentation de cette émission, l'autre bande dessinée que nous proposons de faire découvrir à nos auditeurs et au public aujourd'hui, publiée chez Lagrume. C'est ça. Et d'ailleurs, il y avait eu un extrait, je crois, par le passé, qui avait été publié dans la revue Citrus, le premier numéro, était consacré au football. Et Revue Citrus qui est aussi chez La Grume Édition. Ouais, c'est ça exactement. Du coup, c'était quelques planches, une dizaine de planches qui m'avaient été commandées par La Grume. Et du coup, c'était pendant la Coupe du Monde au Brésil, donc il y avait une petite orientation aussi lié à cette Coupe du Monde au Brésil. Donc du coup, j'ai récupéré quelques planches parce qu'après, on a donc étendu cet univers-là. Donc il y avait des planches qui devaient faire partie de l'album hors-jeu, mais en écartant un petit peu quand même tout ce qui était vraiment plus lié à certaines critiques un petit peu de la Coupe du Monde du Brésil. Ouais. Alors avant d'en venir plus précisément à votre album, on va avec vous tous les deux, Mathieu et Bertrand, parler de ces considérations générales, de la relation entre le football et la BD. Et il est de coutume de dire, nous ne savons pas, nous, à des bâtons d'Anguirou, si c'est vrai, nous n'avons pas de jugement là-dessus, qu'il existe par exemple très peu de bons films sur le football. On sait aujourd'hui qu'il existe deux excellents albums de bande dessinée sur le football, mais est-ce que vous avez d'autres exemples à nous citer en bande dessinée d'albums qui auraient pu vous inspirer sur cette question du foot ? Pour notre part, nous inspirer, non. Même si avec Chris, on a lu évidemment les aventures footballistiques d'Eric Castel. Moi, je parlerais bien d'une série qui s'appelle Lucas, qui est le même éditeur chez Dupuis, et que je conseille aux plus jeunes de nos lecteurs, aux ados, en fait. Voilà, c'est très très très très beau, beaucoup de mouvements, c'est moderne, c'est touchant, c'est très très bien. Oui, moi, non, en ce qui me concerne, non, mais déjà parce que je suis allé un petit peu vers ce domaine du foot un petit peu par hasard, mais sinon moi, je ne suis pas tellement footeux, même pas du tout. Ah oui, on verra ça un peu plus tard quand on parlera de votre album. On a cru s'en rendre compte. deux parallèles possibles, selon nous, entre le football et la BD, c'est que ça a souvent été considéré comme deux passions enfantines. Et puis souvent aussi des passions un petit peu décriées ou moquées par une sorte de doxa intellectuelle. Mais ça évolue quand même pas mal aujourd'hui, que ce soit à la fois pour le foot, qui est un sujet qui intéresse les sociologues, les écrivains, les politiques, si on veut parler d'eux. Et en tout cas, la bande dessinée aussi évolue vers une position un peu plus favorable, on va dire. Oui, même si encore, à mon sens, beaucoup de progrès à faire. On a aujourd'hui une diversité telle dans la publication en fait de bande dessinée qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et des gens qui peut-être jusqu'à présent s'y retrouvaient pas vont pouvoir on pourrait parler par exemple du développement de la bande dessinée dite documentaire qui a raccroché de nouveaux lecteurs il y a du western, il y a du récit historique, il y a ce qu'on appellerait des comédies si on parlait de cinéma. Voilà. Non, je pense que la bande dessinée gagne quelques petits galons, mais il y a encore du boulot. Mathieu, un petit mot sur cette question. Oui, un petit mot. Moi, c'est vrai que ce qui m'intéressait là, c'est plus le décalage, en fait, un petit peu que je pouvais avoir, justement, puisque j'ai pas de rapport direct avec le foot. Et c'est ce que je pense qui était intéressant aussi, parce qu'après, je pense que les footeux vont chercher aussi du foot et à savourer du foot un petit peu autrement que par les matchs, mais des rapports un peu plus documentaires. Et voilà. Et donc moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est ce rapport plus à l'humain. Et puis, plus à l'humain. Et puis, c'est que, en fait, de toutes les façons, le foot en particulier, ce sport en particulier, on a tous un rapport à ce sport, même en étant, du coup, en se sentant pas impliqué là-dedans. Il y a toujours un rapport depuis tout petit, la cour de récré, tout ça, les matchs qui passent, les copains qui vous forcent à regarder des matchs de foot malgré vous. T'as mis dans les buts, dans les cours de récré ? Moi, j'ai fait un peu de goal, mais j'étais pas si mauvais. Et après, j'ai arrêté ma carrière au ballon mousse, première Dan. Ouais. Le dernier parallèle qu'on pourrait faire entre football et bande dessinée, il me semble, d'après ce qui se dit, c'est que pratiquer à très très haut niveau, on gagne énormément d'argent dans ces deux domaines, et je pense que vous palpez pas mal, vous, dans la BD. On est archi blindé. Ouais. Ça marche plutôt bien pour vous. Alors, c'est le coach, nous, dans notre dispositif, qui s'est beaucoup plus intéressé, bien que nous l'ayons tous lu, mais il l'a décortiqué, cette bande dessinée hors jeu, Mathieu Cara, et il a de nombreuses questions à vous poser. Coach, à vous la parole. Alors, juste avant de commencer, donc pour rebondir là sur cette question de art et bande dessinée, donc dans le livre Pour un 9e art, la bande dessinée de Francis Lacassin, qui est peut-être une bible pour vous, je ne sais pas, j'ai trouvé donc cette définition, ballon, deux points, réserve blanche ectoplasmique rattachée à la bouche d'un personnage par une queue contenant le texte de ses paroles, autre dénomination, bulle. Donc on a quand même un ballon en commun entre le football et la bande dessinée. Et je voulais aussi vous demander si donc la BD, c'est le 9e art, et donc quelle serait la place finalement dans la hiérarchie des arts pour le football selon vous, sachant que les arts de la scène sont placés en 6e position. Moi justement, en fait, c'est une des composantes qui m'attirait aussi dans ce récit, dans Hors-jeu. C'est-à-dire qu'il y a, bon, je pars pas mal sur les préjugés qu'on peut avoir, c'est un peu le petit postulat de base après qui m'a inspiré quelques réflexions, mais après il y a quelques moments aussi qui sont plus contemplatifs, où j'essaie de transmettre aussi peut-être le plaisir que pouvait avoir, enfin en tout cas de traduire peut-être le plaisir que pouvaient avoir les amateurs de foot par une traduction, voilà, par le dessin, par des séquences assez graphiques. Et je ne sais plus trop où je voulais en venir, mais c'était quoi ? On en était où ? Est-ce que le football est un art majeur ? Ouais, voilà. Et justement, exactement. Et justement, du coup, c'est ça. Moi, c'est vrai que j'aime pas trop les rapports de hiérarchie entre différentes pratiques. En fait, justement, ce qui m'intéresse, c'est que à partir du moment où il existe un domaine dans lequel on peut s'investir, en fait, on peut le mener à un rang d'art suprême, quoi. C'est-à-dire, on peut vraiment le développer à un degré extrême. Et du coup, c'est-à-dire que il y a chez les footballeurs des compétences hors normes, des gens qui arrivent à réaliser des choses vraiment, enfin, fantastiques que personne d'autre peut réaliser. Et donc ça m'intéresse aussi. Je suis pas vraiment, même si je suis pas footeux, je comprends qu'il puisse y avoir un plaisir vraiment pour les footeux à contempler comme ça des séquences de jeu qui doivent être vraiment des instants assez magiques, en fait. Et voilà, je trouve qu'effectivement, c'est un art en soi, et voilà. Si l'art consiste à... Si le but de l'art est de produire des émotions, le football... Et but, je vous coupe ici en Gironde. Deuxième but pour l'équipe de Belgique qui est marquée sur une superbe action, pour une fois, de la tête du grand attaquant au visage de Poupon, Witzel. Un super centre du côté droit qui se retrouve tout seul, notre ami Witzel. Et... qui place sa tête directe sur le côté du gardien, du côté gauche. Et voilà, c'est 2-0. 2-0, voilà un score plus digne de cette équipe de Belgique qui, normalement, devait gagner assez largement face à cette faible équipe d'Irlande. Et 2-0, donc, nous jouons la 54e minute de jeu ici, dans la ville au bord de l'eau. Merci Magic. Bertrand, vous aviez la parole. Par contre, je ne sais plus du tout. Quoi. Ah bah oui. Si le foot est un si on dit que l'art, enfin le but de l'art, c'est de produire de l'émotion, le football doit être rangé dans cette catégorie-là des arts. Voilà. Quand il est pratiqué au plus haut niveau par Zidane ou Messi, on atteint des sommets. Coach. Donc, peut-être avant de parler directement de la bande dessinée, je vais vous lire peut-être. Votre présentation nécrologique qu'on peut trouver à la fin de la bande dessinée Hors-jeu. Donc, Mathieu Chiara est né en 1983. Diplômé des arts décoratifs de Strasbourg en illustration, il a obtenu le 3e prix du concours Jeune Talent du Festival d'Angoulême en 2013. Il a publié des bandes dessinées et des dessins d'humour dans les revues Citrus, Vignette, Strapazin, Frankie et Nicole, Kiblind, Fluide Glacial. Il a également publié Dessins variés et faits divers aux éditions du Monte en l'air en 2015. Hors-jeu le propulse au sommet des ventes de bandes dessinées, s'ensuit une adaptation cinématographique et une carrière de rockstar pour des raisons encore inconnues. Il meurt en juillet 2019 d'une overdose au bord de sa piscine de champagne. Donc ça, espérons. Voilà, donc c'est pas mal. Donc ça permet d'avoir la possibilité de faire un entretien pré-posthume, ce qui doit être quand même finalement assez rare radiophoniquement. Donc ma première question, c'était ça, le comble de l'humour noir et de mourir de rire. Et donc à force de rire aux larmes, Donc vous êtes mort en 2019 d'une overdose de rire ou d'une overdose à force de vous faire un sang d'encre? Oui. Non, c'est une mort rockstar vraiment dans les explosives, voilà, dans l'excès, et donc pas dans le sang d'encre, j'espère. Ouais, voilà, non, je sais pas trop mieux répondre. Donc il y a dans ce texte, il y a les morts rockstar. Il y a aussi, on peut aussi se dire que la bande dessinée, mais tout comme le football aussi, ça appartient aussi à des rêves d'enfants, des projections de destin qu'on peut se faire quand on est enfant. Comment est-ce que vous êtes venu à la bande dessinée? C'était un rêve d'enfant? Pas tellement, même si en fait je lisais des bandes dessinées assez traditionnelles enfant. Après j'ai arrêté un peu en fait de lire de la bande dessinée. J'ai un petit parcours un petit peu à l'écart. De tout ça, j'ai fait plusieurs années de médecine en fait, et puis après je suis revenu quand j'étais un petit peu à la fin de ces années d'études, je me suis dit bon qu'il fallait quand même choisir quelque chose d'important, enfin un vrai choix de vie pour travailler, faire un truc qui me plaise vraiment avec plein d'argent et tout, donc j'ai choisi effectivement la bande dessinée. Et donc je suis revenu vers là, et là au contact notamment d'autres étudiants, j'ai découvert plus après des bandes dessinées un peu plus alternatives, des maisons d'édition un peu plus alternatives, Frémok, l'association, bon, etc. Et donc là ça m'a intéressé, voilà, pour ce côté, pour la narration. Et en fait finalement je suis revenu à la bande dessinée un petit peu par hasard, mais parce que je cherchais notamment des systèmes graphiques en fait qui ont commencé à me ramener un petit peu à cette identité graphique qu'on retrouve dans Hors Jeu, et puis au plaisir de la narration, le mêler en fait le tout, c'est-à-dire le texte vraiment et l'image en même temps. Et c'est vrai que je ne saurais pas forcément travailler, par exemple, avec un scénariste, parce que justement, le plaisir que j'ai là-dedans, en fait, c'est aussi de pouvoir tout contrôler un petit peu. Et après, voilà, j'ai un peut-être plus fort rapport au cinéma qu'à la bande dessinée, mais disons que j'ai l'impression de pouvoir faire un petit peu mon petit théâtre, mon petit cinéma, pouvoir créer l'univers, les personnages, et faire jouer tout ça, et pouvoir tout gérer, en fait, tout seul, ce qui est assez jouissif, quoi. Et c'est tout. Au niveau de la forme, justement, par rapport à des cadrages qui sont posés, on a vraiment deux types de cadrages qui sont assez différents. Il y en a peut-être un où on est finalement assez loin, et on a vraiment affaire à des petits hommes qui rendent finalement ces petits hommes très très humains. C'est-à-dire plus on est loin finalement, plus ils sont humains. D'un autre côté, on a des plans qui sont beaucoup plus rapprochés, sans doute moins empreints d'un cadrage, d'une typologie de cadrage de la télévision, où là, au contraire, plus on se rapproche, finalement, plus on est dans l'abstraction. Il y a même carrément un passage où il n'y a absolument pas de parole, mais où on a des gros plans sur des genoux qui font des contrôles, où le ballon apparaît vraiment comme finalement presque un élément abstrait. Donc finalement, là, inversement, plus on s'approche, plus on est dans une espèce d'un élément abstrait. Et vous êtes toujours un petit peu dans ce rapport entre des jeux de décalage. Et c'est vraiment là quelque chose que vous avez cherché à pousser à tous les points de vue, au niveau des personnages, au niveau des codes, et aussi au niveau formel. Alors pour revenir juste sur les deux aspects graphiques dont vous parliez, il y a effectivement ces points de vue un peu reculés. Ça, c'est quelque chose effectivement que j'ai mis en place un petit peu avant cette bande dessinée, mais qui a, alors, c'est très juste ce que vous avez ressenti, donc c'est cool. Mais effectivement, il y a cette idée de plus on est loin, effectivement, plus il y a cette part un petit peu sensible. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on se retrouve un petit peu comme avec des petits bonshommes, comme quand on est enfant, et que moi j'ai vraiment ce souvenir en fait. D'enfants utiliser des personnages justement qui n'ont pas forcément, enfin que je détourne de leur, si c'est G.I. Joe, bon, ce ne sera pas G.I. Joe dans mon histoire, c'est moi qui ai fabriqué mon histoire, mais je vais les poser comme ça sur un coin de canapé, les faire jouer, et j'ai ce cadrage en fait où je suis au-dessus d'eux et je les manipule et je leur fais vivre une histoire comme ça que je raconte. C'est ce que j'essaie de retrouver en fait avec ce système graphique là C'est pour ça que celui-là, je l'utilise plus dans des séquences vraiment un peu plus narratives, où il y a du texte et je raconte vraiment l'histoire. Et après, effectivement, la phase qui est plus graphique, en fait, on est dans quelque chose de plus peut-être sensitif. Et c'est à ça que je faisais référence tout à l'heure quand je disais que c'est de traduire aussi dans mon langage du dessin, essayer de faire une page, une double page qui soit un petit peu chantante, quoi, un petit peu chorégraphié, un petit peu graphique, avec mes outils, essayer de rendre peut-être ce plaisir qu'il peut y avoir pour l'amateur de foot, en fait, de ressentir aussi son univers comme ça, gravité, mais d'un point de vue graphique. Et ce qui fait que la dernière partie de ce que vous disiez, je ne me rappelle plus, c'était non, sur la fin après ce... Non, c'était là, ça s'est terminé sur la question de la forme, oui. Okay. Sinon, donc la structure narrative, c'est une forme chorale. Avec une forme chorale, c'est-à-dire on a un ensemble de personnages qui finalement n'ont pas de lien direct, mais quelque part, ils vont tous finalement être connectés. C'est un petit peu ce dont vous parliez tout à l'heure. Et le troisième but pour l'équipe de Belgique, toujours par le même attaquant de pointe, Lukaku, qui vient de crucifier le gardien irlandais. Et ça fait 3-0, nous jouons la 70e minute de jeu. Et je crois que le match ici est plié. Les gens s'étaient endormis ici en Gironde lors de la première mi-temps. Et bien ici, maintenant, on chante, on danse, on fait la fête, en tout cas du côté des Belges. Oui, du côté irlandais, ça doit pas être la même limonade, mon cher Magic. Certainement, mais les Belges sont beaucoup plus nombreux et on entend beaucoup plus les Belges que nos amis de l'air. Merci Magic, bien sûr, à tout à l'heure. Coach, c'était vous qui... Oui, donc je parlais en fait donc d'un montage donc choral, c'est-à-dire une galerie de personnages tous un petit peu décalés, qui sont donc pas directement reliés, mais qui finalement vont être connectés parce que tout ça se montre comme un espèce de gros casse-tête, finalement, pour le lecteur. Et au bout du compte, donc, on a vraiment à faire une espèce de grande comédie humaine, hein, ce dont vous parliez tout à l'heure. Et, mais malgré tout, c'est pour le fan de foot, toute cette histoire-là est un petit peu entre la fête et la malédiction. Ce côté un petit peu peut-être déceptif, ça va quand même le prendre un petit peu à rebrousse-poil sur sa passion. Il y a un peu de cynisme quand même dans tout ça. Ouais, ouais. Alors, pour les personnages, c'est vrai que du coup, j'essaie d'identifier les personnages qui pouvaient moi susciter quelques idées. Alors, effectivement, je pars d'abord des premiers concernés, les joueurs, le goal, en les prenant un petit peu comme des personnages symboliques, quoi. C'est-à-dire, ils ont des caractéristiques propres à leur statut, en fait, de joueur, de gardien, que j'essaie d'exploiter, en fait, pour essayer d'étirer un petit peu leur évolution dans le récit. Puis après, je m'écarte. Il y a l'arbitre. Après, on arrive à un cercle un petit peu plus éloigné avec les commentateurs et puis encore plus avec des gens qui regardent juste le match chez eux. Et puis même encore un peu plus loin avec les clochards, par exemple, voire même avec un chien, qui est un des personnages importants aussi. Et donc voilà, après, effectivement, il y a une récurrence. En fait, c'est une succession de scénettes avec ces personnages, mais qui sont récurrents, c'est-à-dire qu'on revient visiter petit à petit dans l'évolution du récit. Et je pense que ça crée du coup une connexion, effectivement, même s'ils ne se croisent pas forcément directement, ça crée une connexion. Moi, ce qui m'intéressait, effectivement, c'est ce lien que comme moi, par exemple, je n'ai pas de lien avec les amateurs de foot directement, mais on partage des choses. Et c'est pour ça que j'ai discuté tout à l'heure avec le docteur, et qui était un peu surpris que je sois pas forcément amateur de foot. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui me plaît, parce qu'effectivement, ça veut dire qu'on a partagé quand même quelque chose dans ce récit. Et donc, voilà, c'est cette dimension peut-être plus, voilà, de l'humain, c'est-à-dire qu'il se passe quand même quelque chose autre que l'action en jeu, le foot, dans la tête du personnage. Il y a un bonhomme, quoi, qui se pose aussi des questions, et j'essaie de faire un pont avec ce que peut ressentir quelqu'un d'autre qui n'est pas du tout impliqué dans ce genre de jeu. Voilà. Ouais. On a même un enfant finalement qui joue au foot, mais sans se projeter finalement d'être un footballeur célèbre, mais qui se voit plutôt comme une sorte de cosmonaute, héros fantastique. Ouais, exactement. Mais ça, c'est une partie. Moi, c'est vrai que c'est une partie de la vie que je trouve particulièrement puissante, quoi, l'enfance, tout ce qu'on peut percevoir, la façon de percevoir le temps aussi, qui est un temps à rallonge. Enfin, tout est vraiment une perception complètement différente. Là, on est donc du coup dans une phase imaginaire que j'ai essayé d'inscrire dans le réel. En fait, on perçoit en même temps que la réalité, ce que perçoit l'enfant, ce qu'il s'imagine. Donc il y a une confusion comme ça entre le réel et le fantasme. Et du coup, effectivement, l'enfant se sert de l'objet du ballon, non pas du tout comme il faut, enfin comme on pourrait s'y attendre, comme il faudrait, comme ferait peut-être un adulte. Voilà, il a un ballon, il sait qu'il doit jouer au foot. C'est vrai que chez l'enfant, ce à quoi je faisais référence tout à l'heure aussi en parlant des petits bonshommes, genre G.I. Joe, qu'on va utiliser complètement d'une autre façon, et ben là, c'est aussi ça. C'est-à-dire que le ballon devient genre une espèce d'objet de pouvoir qui va servir à détruire des formes maléfiques. Voilà, ouais. Vous, pour vos deux premiers albums, donc Hors Jeu, et Dessins variés et faits divers, ces deux albums qui jouent sur un registre comique, si aussi on va sur votre site internet, on se rend compte aussi qu'il y a toujours quand même une dimension d'humour qui est extrêmement présente. L'humour, c'est vraiment le moteur principal. C'est quelque chose que vous allez systématiquement rechercher. Ou alors, même si à travers lui, on peut toujours faire une lecture un peu décalée et d'une certaine manière prendre un peu aussi de recul par rapport à des choses qui peuvent être graves ou pas. Ouais, exactement. Bah, du coup, ça fait référence à la question d'avant. Sur le décalage. Effectivement, alors l'humour, moi, ça m'intéresse parce qu'effectivement, ça offre un premier degré de lecture. Ça permet d'entrer assez facilement dans une histoire, dans une petite séquence. Mais en même temps, quand j'essaie de présenter une scène humoristique, j'ai toujours un petit peu une idée derrière et c'est celle qui m'intéresse aussi. J'aime bien les différents niveaux de lecture comme ça. Donc en rencontrant certaines personnes, il y en a qui voient que le côté un petit peu parfois graveleux des blagues, mais il y a une autre dimension aussi qui m'intéresse. Donc j'aime effectivement en particulier cette notion de décalage, d'être un petit peu à côté des choses. Parce que je pense que ça produit, du coup, ça permet de diffuser un petit peu dans différents sens, différentes directions. Vous pourriez développer des projets comme un maillot pour l'Algérie, ou c'est quelque chose qui vous paraît très très loin de votre univers ? Bah, c'est-à-dire que... Sans faire exactement la même chose, mais prendre par exemple une histoire, un événement historique, des personnages historiques, et travailler à partir de ça, d'un fond de réel quand même peut-être plus prégnant. Je sais pas tellement. En fait, pour l'instant, non, ce serait pas tellement un projet que je pourrais avoir en tête, parce que c'est vrai que après, j'aime bien en fait quand il s'agit du coup d'une histoire vraie, essayer déjà dans un premier temps en fait d'avoir accès aussi à, mais plus dans un cadre de recherche en fait. J'aime bien du coup lire des choses sur la personne et l'assimiler comme ça, et j'ai pas forcément de choses moi à rendre en retour en fait par rapport à ça. Après, peut-être qu'il y aurait quelque chose de particulier, peut-être je sais pas si c'est sur un cosmonaute que ça pourrait évoquer effectivement des choses un petit peu, ouais, pourquoi pas, je sais pas, cosmonaute, non, un endroit où personne n'est à l'aise, c'est ça que je veux dire. Du coup, il y a des images qui sont pas forcément qu'on n'a pas déjà forcément trop en tête, on peut être un peu plus libre. Ouais, mais sinon, non. Ouais. Et sinon, peut-être ma dernière question, qui est une espèce de question subsidiaire. J'ai vu il apparaît peu dans cet album-ci, il n'apparaît pas dans Dessins variés, faits divers, mais il apparaît dans certaines autres de vos bandes dessinées, notamment qu'on peut trouver sur votre site. C'est le personnage de Michel, ouais, qui est une espèce de salamandre extraterrestre assez curieuse. Donc c'est qui ce Michel, en fait ? Et ouais, et ben, bon, c'est le prénom de mon père, mais alors je crois qu'il n'y a pas vraiment de lien direct, hein, mais après c'est un personnage, ben là c'est vrai que ça me plaît, je l'ai utilisé dans Hors-jeu, en fait c'est un moment où on le voit dans le rêve du gardien de but, c'est le même personnage en fait, donc ça c'est un, par exemple, personne ne peut le savoir, mais ça me plaît d'avoir cette lecture-là en fait, qui est une connexion en fait avec un autre univers aussi. Et voilà. Et après, c'est ce personnage qui peut un peu, donc du coup, dans les autres petites bandes dessinées dont vous parlez, c'est un personnage qui a un côté, je pense, un peu pluripotent et un peu qui peut résoudre un peu tout. C'est-à-dire qu'il a un peu ce pouvoir d'arriver et d'avoir voilà, des pouvoirs, de résoudre des situations. Et bon, là, il est plutôt cauchemardesque dans hors-jeu. Mais ouais, c'est vrai que j'aime bien l'intrusion en fait aussi du bizarre de la science-fiction dans une situation normale. Encore ce rapport un peu au décalage aussi. Je profite de ce silence peut-être pour interroger Magic au stade, Magic et ses amis. Qu'est-ce qui se passe là-haut ? Eh bien, ça tourne à la démonstration, en tout cas au niveau du jeu là pour les. Pour les Belges qui ont la possession du ballon et qui la laissent très peu aux Irlandais, qui essayent de jouer comme ils peuvent, c'est-à-dire après une mi-temps où ils étaient plutôt sur une tactique de kick and rush à balancer des longs ballons, ils essayent de le poser et on vient d'assister à une chose assez inédite. Là, alors que là. À l'instant, Mertens qui vient de tirer, mais le ballon est trop enlevé au-dessus du ballon. Mais on a assisté à la rentrée en jeu de Robbie Keane qui est presque quadragénaire et qui est l'idole de cette équipe d'Irlande. Et on a vu les supporters dans le stade en train d'exulter à l'image de sa rentrée. Mais pour l'instant, toujours 3-0 pour les Belges et on arrive bientôt à la 80e minute de jeu et je pense que le match est déjà plié, c'est sûr, mais peut-être que s'il y a un but qui est marqué, ça sera plutôt pour nos ennemis ou amis belges. Selon de quel côté on est, effectivement. Bertrand Galli, qu'est-ce que vous avez lu hors jeu ? Pas encore, mais je vais m'empresser de faire l'acquisition de cet ouvrage. L'émission m'en donne très envie. Bon, je ne vais pas vous poser la question de savoir ce que vous en avez pensé, donc on va passer à autre chose assez rapidement. Nous, en tout cas, à Des Bâtons dans Guirou, on recommande vivement la lecture de ces deux albums, hors jeu de Mathieu Chiara, qui a une vocation un peu plus, évidemment, cynique quant à sa démonstration du football. C'est comme ça que nous, on l'a pris, mais en tout cas, on a bien, bien rigolé. Et puis, Un maillot pour l'Algérie, de Ray Gallic. Et Chris chez Airlib qui est... Celui-là, j'ai lu par contre. Vous l'avez lu celui-là, ouais. Qu'est-ce que vous en... Il est pas mal. Il est pas mal, ouais. C'est un bel album. Ouais, hein. Pas mal. C'est plutôt bien, c'est vrai, c'est ce qu'on en a pensé nous aussi. Et pour terminer sur cette question des rapports entre BD et football, le coach, vous avez souhaité faire votre traditionnel croquine, qui va nous parler d'un personnage un peu particulier. Il s'agit de Super Victor, la mascotte de l'Euro de football de 2016, qui lui-même était adapté en bande dessinée. Vous allez nous en dire deux mots. Oui, donc voilà, donc Super Victor, c'est la mascotte de l'Euro. Donc c'est lui, c'est ce petit garçon tout mignon. Donc ça a donné lieu à une bande dessinée dont finalement je n'ai pas trop parlé parce que c'est une bande dessinée assez étrange hein, où on est entre Boule et Bill et Harry Potter et Game of Thrones, où il y a une scène, quand même ça finit par une scène de combat, de match de foot entre des enfants... et des gargouilles, des démons dans un espèce de monde parallèle infernal. Je vois pas trop, peut-être que l'Europe, finalement, s'étant formée sur un nombre de guerres et sur finalement un grand tapis de mort. C'était peut-être ça le message caché de cette bande dessinée. Mais du coup, c'était très difficile d'en parler. Donc j'ai repris plutôt une histoire, l'historique de Super Victor, qui va vous raconter un petit peu sa vie, son œuvre. Donc je suis un enfant ordinaire comme tous les autres. Je suis né dans un petit village en France. Mon père était un grand footballeur qui s'appelait Eric Castel, et depuis mon plus jeune âge, j'ai adoré jouer au football avec mes amis. Je ne suis pas aussi bon que mon père l'était, et je n'ai pas de slip aussi immaculé, mais j'essaie toujours de m'améliorer. Le plus important pour moi, quand je joue au football, c'est de m'amuser et d'être correct avec mon adversaire. Lors d'un match de football avec mes amis, un match très serré, mon équipe a bénéficié d'un coup franc à la limite du grand rectangle, et moi, confiant, je me suis avancé pour le tirer. Mais j'ai raté mon tir, et le ballon est parti derrière une clôture, on ne le voyait plus. En le cherchant, je l'ai aperçu qu'il traversait la route. C'était le ballon de l'UEFA Euro 2016, il n'était pas question de le perdre. J'ai couru pour l'arrêter, mais tout à coup, bam ! Tout s'est mis à tourner autour de moi. Quand je me suis réveillé en steak caché sur le macadam, un couple de monsieur était penché sur moi, l'air contrarié. Le premier était Michel Platini. Il me fit signe de me relever. Il me dit qu'il pourrait m'aider, mais que je n'ai pas les moyens financiers de cette prestation. Il me donna une paire de chaussures de foot. Tu verras, elles sont magiques. Avec elles, tu pourras échapper à la prison avec le cash. J'en frissonnais d'excitation. Se méprenant sur mon état, le second, Seb Blatter, me couvrit les épaules de sa cape. Avec elle, tu pourras soigner ton image de marque, car tu peux t'en servir pour planquer tes saloperies. Elle épongea aussi le sang de mes blessures. C'est pour cela qu'elle est rouge. Ils remontèrent dans leur limousine en or pur et repartirent en direction de Panama. Très ému de m'être fait de nouveaux amis, qui, comme moi, aiment rassembler les gens pour jouer au football, j'agitais la main en faisant un bras d'honneur à la Pogba. Paul le Poulpe Pogba est mon modèle favori de cartoon. En tant que mascotte officielle de l'UEFA Euro 2016, ma mission consiste à m'amuser avec les supporters du monde entier et à mettre à l'honneur l'art du football. J'ai beaucoup de chance d'avoir reçu ces super pouvoirs, mais je veux les partager avec le reste du monde. C'est pour cela que je voyagerai dans toute la France, malgré les grèves, et dans le monde entier, malgré les guerres, pour apporter de l'opium et de la joie aux populations de tous les pays et de tous les milieux. Je décidai alors de commencer ma tournée du football. Ma première étape fut de me rendre auprès de mon grand frère Footix, afin de prendre ses conseils sur le travail de mascotte. Je le trouvais au fond d'un bar sordide du Red District d'Amsterdam. Il avait l'air toujours aussi populaire auprès des dames. Il m'accueillit plutôt froidement. « Ouais, il y a eu Peno, Jules et moi. Et maintenant, regarde-toi. Si les coqs ne sont plus sélectionnés comme mascotte, c'est parce que la Fédération française est raciste. Tu peux rigoler, mais ton CDD d'un mois, il ne sera jamais renouvelé. Et tu verras, la prochaine fois, prendront une fille. » Pas facile pour un enfant de se faire des copains quand on est le petit nouveau. Je sautais sur Londres pour me faire coacher par José Mourinho afin de me prendre des leçons de maintien. Il me conseilla plutôt d'aller parler à Pascal Duprat. Je ne suis pas sûr du bien fondé de la chose pour évoluer dans les cocktails de parvenus en vente libre de l'UEFA. Au siège de l'UEFA, d'ailleurs, en Suisse, on me proposa d'aller visiter une usine en Asie où des enfants fabriquent des ballons de l'UEFA Euro 2016. Je pourrais ainsi m'y faire plein de super amis avec qui je pourrais jouer s'ils avaient du temps libre. Je filai ensuite pour Madrid, où je rencontrai Karim Benzema et Zinedine Zidane. Benzema, me confondant avec Mathieu Valbuena, dont je suis le sosie craché, me filma avec son portable et essaya de me vendre l'enregistrement. Quant à Zizou, il m'expliqua comment jouer avec classe des exigences du marketing pour vendre des produits dérivés et me donner un coup de tête. Propulsé à Barcelone, je disputais un match contre Lionel Messi sur sa PlayStation. Comme joueur, Lionel Messi choisit Lionel Messi, car il aimerait bien lui ressembler. Je voulus prendre Ronaldo, mais j'ai dû m'enfuir assez vite, car Suarez venait de me mordre. Je suis allé à Paris pour rencontrer la légende Zlatan, pensant qu'il resterait pour jouer l'Euro, mais il était déjà rentré en Suède. Je tombe sur Serge Aurier, qui me surnomme amicalement « ma petite fiotte ». Et il me propose de le suivre au cours de communication avec Louis Nicolin, où on retrouverait Willy Sagnol, qui s'est recyclé en prof d'éducation physique. Je décline l'invitation pour me rendre à Marseille pour rencontrer l'OM. Ah, l'OM. Une fois sur place, j'apprends qu'il n'y a plus d'équipe depuis longtemps, mais que si je veux, je peux aller acheter un iPhone au Vélodrome, qui est devenu une boutique Orange. Je suis ensuite poursuivi par des ultra-russes qui veulent me tatouer une svastika. Mais comme je suis un ami de Sepp Blatter, qui a décerné le prix Nobel de la paix à Vlad l'empaleur Poutine, il me purge à la vodka. Tous ces mythes tournaient autour de moi, et j'ai constaté que je pouvais faire plein de trucs sympas avec mon vomi. L'alcool est le pouvoir que je préfère, parce que l'on a toujours l'air de s'amuser quand on joue tous ensemble. Le numéro 16 de mon maillot est d'ailleurs un hommage à mon addiction festive pour la bière, c'est 164. Je me réveille avec le cerveau qui fait mal et le corps couvert de tachouages chelous. C'est pourquoi je porte un soupul et des collants blancs sous ma tunique marinière made in France. Pour finir, je dois me rendre au Stade de France pour l'inauguration de l'Euro. Je dois leur ramener le ballon de l'UEFA Euro 2016. Cela fait partie de mon contrat de mascotte. Avant de partir, je descends au bureau de tabac pour m'acheter des clopes. Derrière moi, une silhouette étrangement familière siffle une Marseillaise au camembert. Je reconnais immédiatement ce Marcel et ce délicat parfum de gros rouge dans la transpiration. Le mythique Super Dupont se penche sur moi comme si j'étais l'orphelin de la veuve et me glisse à l'oreille. « Tu ne peux pas t'échapper. Super Victor, tu ne réalises pas encore ton importance. Tu commences juste à découvrir ton pouvoir. Sois mon allié et je terminerai ta formation. Si nous nous associons nos forces, nous mettrons fin à ce conflit destructeur et ramènerons l'ordre dans la galaxie. » J'essaie de me planquer sous ma cape, mais il n'y a plus d'issue possible. Super Dupont reprend à mon oreille plus fort. « Super Victor, je suis ton père !» À suivre. Merci coach, elle était effectivement bien coquine cette croquine. On va juste faire une petite pause, une dernière pause musicale avec un morceau que vous avez choisi, Mathieu Carr. Vous avez bien choisi puisque vous avez choisi un morceau belge, donc votre pronostic était le bon. Vive la fête du groupe AC ou l'inverse ? AC du groupe Vive la fête, je ne sais plus. C'est ça, le groupe Vive la fête. No. Nous écoutions AC du groupe Vive la Fête, un groupe belge, un groupe qui gagne 3-0 ce soir, n'est-ce pas Magic, au stade. C'est la fin, non? C'est presque la fin, mon cher Manuel, puisque l'arbitre assistant vient à l'instant d'indiquer les 3 minutes supplémentaires. On vit ces 3 minutes avec vous, Magic, on les vit. D'accord, alors très bien. Le ballon sur le côté de l'attaque irlandaise avec le numéro 7 qui va essayer de dribbler. Et depuis un certain moment, les joueurs irlandais essayent de plus en plus les solutions individuelles, mais ça passe toujours pas. Le ballon est contré, il va filer droit en touche. Les Belges qui, pour l'instant, ont décidé d'arrêter de jouer, de garder le ballon et de contenir ses attaques sur le côté droit. Coleman, l'arrière gauche, qui se fait contrer et le ballon est toujours dans ce coin où il ne se passe pas grand chose. Il y a des tentatives de dribble toujours par Coleman, mais face à Hazard et une petite faute du défenseur irlandais. L'arbitre vient de siffler coup franc et tranquillement les Belges vont pouvoir se dégager et patienter pour les 2 minutes qui restent. C'est le gardien Thibaut Courtois qui va se charger de marcher tout doucement jusqu'au point de corner quasiment où la faute a été sifflée, et il prend tout son temps. Voilà, il pose la balle et il va pouvoir dégager. Les joueurs belges sont très calmes pour l'instant. Ils attendent, je pense, le coup de sifflet final avant d'exulter. Et voilà, le coup franc vient d'être dégagé loin et direct. Vous allez deviner en touche. Touche, Magic, en touche. Voilà, exactement, en touche. Parce qu'on va, on a décidé d'arrêter de jouer là de toute façon dans les deux équipes. Et puis du côté de l'Irlande, je crois qu'on n'y croit plus parce que ça propose rien de particulier. Je crois que l'équipe est démobilisée. Le ballon est récupéré par les Irlandais sur le côté gauche. Le latéral gauche qui ne sait pas quoi faire. Il n'y a pas de comment il s'appelle, Magic, ce latéral gauche irlandais? C'est je regarde sur ma fiche. O'Connor, je crois. Oui, sûrement. Magic, est-ce qu'on peut dire que les Belges ont retrouvé l'Afrique ce soir? Oui, rebondissez, Magic, sur ça. Je vois pas à quelle référence culturelle vous faites, mais je crois qu'il y a des frites à l'extérieur du stade. Oui. Alors donc, il reste une minute de temps. Est-ce que ça vaut le coup de rester avec vous, mon cher Magic, ou est-ce que vous pensez que Magic n'est pas seul ce soir? Magic n'est plus seul. Non, Magic est habité. Je crois que Chris l'a rejoint en cabine. Ah, Chris, un mot alors sur ce que vous voyez au stade. Peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus parce que Magic s'est éteint. Je m'éteins aussi tranquillement depuis la 47e minute, puisque vous savez que je suis avant tout supporter irlandais. Oui. Et qu'évidemment je suis un peu dépité par non seulement ce que je vois, mais aussi le résultat de ce que je vois, c'est-à-dire que l'Irlande, malheureusement, je pense, va prendre la porte très rapidement, ce qui est très dommage pour l'atmosphère festive en France dans les prochaines semaines. Mais il reste l'Irlande du Nord, voilà, cher Chris. Et justement, c'est ce que j'allais dire. L'avantage avec l'Irlande, c'est quand il n'y en a plus, il y en a encore. Heureusement, il y a l'Irlande du Nord qui a battu l'Ukraine 2-0 et dont je vous prédis, retenez bien, qu'ils vont battre l'Allemagne au dernier match et terminer ainsi première de leur poule. J'ai fait un pronostic sur France Inter qui a annoncé l'Irlande du Nord contre la France en finale. J'y crois dur comme fer, comme Leicester au mois d'août pensait gagner les championnats d'Angleterre. Donc voilà, c'est terminé maintenant ici. On a pris 3-0. Bravo à nos amis belges qui déjà font la BD comme nous et en plus ils battent l'Irlande maintenant. Donc ça commence à faire beaucoup quand même. Voilà, on vous rend la parole, à vous les studios, à vous Marseille. Mais gardez les micros ouverts, mon cher Chris, mon cher Magic, puisque c'est l'heure du quiz, c'est l'heure de conclure cette émission de manière festive avec un jeu que Magic, vous nous avez préparé, mais que je vais dicter pour vous. Vous avez préparé une petite introduction, Magic, pour ce jeu que je vais me charger de lire. L'on croit tous savoir que la Belgique et l'Irlande sont deux grands pays consommateurs de bière. Et l'on a quelque peu raison. Quelque peu seulement, car d'après le classement publié par Bonial, société spécialisée dans la médiatisation de catalogues digitaux, ces deux pays ne figurent pas en tête des plus grands buveurs de mousse. L'Irlande n'est que sixième de ce classement avec une consommation de 93 litres par personne et par an en moyenne. La Belgique, elle, est 18e avec un chiffre seulement de 74 litres par personne. C'est vrai que c'est très peu. En revanche, l'on a tout de même raison de dire que ce sont les plus grands pays de bière si l'on s'en tient à la qualité de leur production. Si en matière de goût, tout n'est que subjectif, les grands amateurs de bière le reconnaissent volontiers. Rien ne remplace la mousse blanche et onctueuse et le fort arôme caramélisé de la Guinness, ou encore la mousse abondante et persistante qui accroche au verre de la Carmélite à la robe blonde dorée à reflets roses orangés. Voici donc un petit quiz pour départager réellement ces deux pays, un quiz brassicole. Est-ce que vous êtes tous prêts sur le plateau, Mathieu, Bertrand et le doc, le coach? Le public aussi, tout le monde peut jouer, un public en fusion ce soir au stade de l'autoportrait. Vraiment, on ne s'entend plus quasiment tellement tout le monde, ça chauffe ici. Alors, première question. C'est au plus rapide? C'est au plus rapide, évidemment. Et d'ailleurs, j'ai préparé mon petit tableau pour pouvoir cocher vos bonnes réponses. Qu'est-ce qu'une bière trappiste et combien en existe-t-il strictement? Alors, Fabriquée par les moines. Je t'en prie, cher Camargue. Fabriquée par des moines? Eh ben, la réponse est bonne. La réponse est... Le point est pour Mathieu Chiara. J'ai volé un peu. Non. Bière fabriquée par des moines trappistes, moines cloîtrés appartenant à l'ordre cistercien de la stricte observance et vivant dans le silence, la prière et le travail manuel. Trois types de bières. Alors, combien y a-t-il de bières trappistes? C'était la deuxième partie de la question. Trois? Non, c'est une mauvaise réponse, mon cher. J'aurais dit quatre. C'est une mauvaise réponse également. Mais j'ai tenté. Là-haut, Chris, est-ce qu'on a une réponse? J'hésite entre 1 ou 2 ou 5. ou 8. 19. 8. 23. 8. 5. 5. Et 5, ouais, bien. Ouais, alors, ouais, leur nom, ouais. Leur nom, mon cher Chris. Si vous me citez au moins un nom de bière trappiste, vous avez un point. Alors, il y a la bière de l'abbaye de Trappe. celle-là, je la connais bien. Oui, alors, c'est pas bon. J'en ai aucune idée. J'en ai absolument aucune dans idée. Dans le public, peut-être une bière. La Nicolas Anelka pour l'abbaye de Trappe. La Chimay, c'est Dundee qui est dans le public ce soir. Dundee, on le salue, membre également du dispositif des bâtons d'Anguirou et qui déménageait aujourd'hui. Donc, il n'a pas pu être là pour le début. Alors, Dundee, on vous rajoute un point quand même. Vous avez été parfait. Deuxième question, parmi les appellations suivantes, quel type de bière est la marque de fabrique des bières irlandaises? Drought, Harp, Ale, Lager ou ale. Stout? J'aurais dit Ale. Stout? Stout, alors je crois que c'est le docteur et Chris, on va vous donner un point chacun, puisque vous êtes sympa. Hop, voilà. Troisième question, à quelle date fête-t-on la Saint-Patrick? Le plus proche gagne un point. Au mois de mars, le 9 mars, non. Le 9 mars 17. Pour Chris. Le 7 mars dans le public. Putain, c'est le combien? C'est pas le 9 mars? 24 décembre. Le 17 mars, j'ai entendu le 17 mars. C'est là que ça se passe. Eh bien, bravo, un point pour le public. Ouais, mais moi, c'est l'anniversaire de ma sœur, ça compte comme un demi-point quand même. Ça compte comme un demi-point, effectivement. D'accord. Il faudra de toute façon départager les gens. Donc, je vous en mets un demi en plus, mon cher Chris. Moi aussi, j'ai une sœur, je parle. Eh bien, bravo, un point pour vous, Bertrand. Parfait. Parmi les propositions suivantes, à quoi sert le terme triple ou triple dans la dénomination des bières? Sert à désigner une bière brassée avec une quantité triple de malt par une bière de consommation courante, sert à désigner les bières composées de trois ingrédients, sert à désigner une bière fermentée trois fois. Trois fois. Trois fois. Trois fois. Eh bien, c'est faux. Mes amis, vous avez tous moins un point pour cette question. Ça sert à désigner une bière brassée avec une quantité triple de malt par une bière de consommation courante. Je comprends pas cette réponse, en fait. Mais c'est quand même cette réponse. Cinquième question, et la dernière, c'est une question de rapidité. Les bières suivantes sont-elles belges ou irlandaises? Belges. Un point pour vous, mon cher Bertrand Gallic. Ça vous en fait deux. Alors, la Timmermans. Belge. Qui a dit belge en premier? Je ne sais pas, un arbitre. C'est là-haut, c'est l'ami Chris. La Beamish. Irlandaise. Ah, ça, c'est Bertrand Gallic qui marque le point. La Quack. Belge. Ah, ça, c'est le doc. J'ai entendu le doc en premier. Il était le plus balèze. Et la Mince Pils. Belge. Ah, bah, le doc revient à 3 points, comme une flèche. 3 points et demi. Chris, vous êtes le grand vainqueur de ce quiz Belgique-Irlande. Bravo. Bravo, cher ami. Il est temps pour nous de se quitter. Peut-être un dernier mot du stade. Est-ce que vous avez un sélectionneur, un joueur en interview, Magic? Oui, j'ai avec moi Marc Villemotte. Marc Villemotte, enfin une première victoire dans cette Euro 2016. Vous devez être soulagé. Votre équipe a mal commencé en première période, mais c'est largement rattrapé, j'imagine, suite à des consignes que vous avez données à la mi-temps pour mieux faire jouer votre équipe. Alors, écoutez, j'ai surtout fait lire un maillot pour l'Algérie à l'ensemble de mes joueurs pendant le vestiaire. Et évidemment, ça a fonctionné puisque vu la qualité de scénario, surtout le scénario, hein, surtout, oui, qui est écrit par De Brestois, je crois. Eh bien voilà, trois buts, deux scénaristes, un dessinateur. Je crois que le compte est bon. Merci. Ben voilà, en direct du stade de la Matmut Atlantique dans la ville à côté de l'eau. À vous les studios. Et merci à tous nos auditeurs et à tous les spectateurs chez vous à Marseille où il doit faire très très beau. À très bientôt, merci. Merci Magic, merci Chris. Et puis merci à Ravi aussi qui a dessiné toute cette deuxième mi-temps pour le public nombreux et chaud de l'autoportrait. C'est le moment de se quitter et de remercier tout le monde. Merci à vous, mon cher Bertrand et mon cher Mathieu. Vous représentiez pendant cette deuxième mi-temps de Belgique-Irlande les albums Un maillot pour l'Algérie, Bertrand, paru chez Air Libre. Air Libre, c'est Dupuis aussi. Oui, les Belges ne manquent pas d'air. Les Belges ne manquent pas d'air, effectivement. Mais c'était un beau mot de la fin. On va en rester là. Et Mathieu, vous, c'est Hors-jeu à la Grume. Merci beaucoup de votre visite. Merci à vous, docteur, et merci à vous, coach, également, de votre passage à l'autoportrait. On remercie Radio Grenouille d'avoir bien voulu nous accompagner dans ce projet foot bande dessinée. On signale, docteur, une dernière publication, vite fait, avant de se quitter. Oui, vous pouvez retrouver donc l'ouvrage « Des bâtons d'Anguirou » qui est paru donc le 9 juin aux éditions Vanloo. Voilà, en vente dans toutes les bonnes librairies, les plus belles chroniques de 4 ans d'émission, notamment en vente à l'Histoire de l'œil pour la modique somme de 9 euros. On remercie le public nombreux venu ici à l'Autoportrait pour le festival Badam. On se quitte une dernière fois en musique avec un morceau choisi par Chris, Molly Malone par les Dubliners. À très bientôt. Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone. As she wheeled her wheelbarrow through streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive. Sure, 'twas no wonder, for so were her father and mother before. And they both wheeled their barrows through streets broad and narrow, crying cockles and mussels alive, alive. Cockles and mussels.